Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Et c'est une nouvelle semaine qui redémarre, nous sommes aujourd'hui lundi 20 juin. Et alors normalement, c'est bien cette nuit que le jour sera le plus court. Non, le jour sera le plus long et la nuit la plus courte, oui c'est ça. Ah ouais, bah faut s'y faire, attends, c'est bien ça la nuit du 20 au 21 juin. L'été normalement c'est demain, on verra avec Jean-François dans un instant si ça se confirme. Bonjour Sœur Khalid du Jambon. Hello, salut Evan, salut tout le monde. Bonjour à Justine. Hello Evan. Jean-François est là pour l'info, la météo, l'info trafic. Bonjour Jean-François. Bonjour Evan. Et Sandro, le petit à la réa, qui est là également. Bonjour Sandro. Bonjour. Dans un instant, Justin Timberlake pour bien vous sortir du lit et vous accompagner dès ce matin. Si vous avez envie déjà de nous faire les petits coucous du matin, vous pouvez y aller sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu, encore par SMS au 3044. Il est 6h sur Fun Radio. Bon réveil. Bon lundi et bon début de semaine à tous sur Fun Radio. Il est 6h pile, on commence la journée avec les infos de Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Deux des trois hommes placés sous mandat d'arrêt samedi, suspectés de planifier une attaque terroriste, font partie de la famille des frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui, auteurs des attentats du 22 mars. L'un d'eux est un cousin des frères qui a déjà été condamné avec Ibrahim El-Bakraoui pour un vol avec violence. Et les trois hommes ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les enquêteurs de la police judiciaire ont perquisitionné 40 adresses à Bruxelles et dans plusieurs autres ville. Ces personnes auraient notamment eu l'intention de commettre une attaque pendant la retransmission de la rencontre des Diables Rouges samedi après-midi dans la fan zone de la place Rogier. Aucune arme ou explosif n'a été découvert lors des perquisitions. Les manifestants chrétiens et homophobes ont perturbé les funérailles de victimes de la tuerie d'Orlando ce week-end. Deux agents de police ont été légèrement blessés durant les funérailles d'une des victimes. Un conducteur impatient a tenté de traverser le cortège, blessant deux policiers à moto. Le deuxième incident a eu lieu dans le centre d'Orlando durant les obsèques d'une des autres victimes. Quelques manifestants ont protesté silencieusement durant une heure. Ils portaient des panneaux affichant des textes homophobes. Il y avait également 200 contre-manifestants qui portaient des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Après l'assaut d'Omar Mateen sur la boîte de nuit Pulse à Orlando dimanche dernier, 49 personnes sont mortes et 53 ont été blessées. L'auteur a ensuite été neutralisé par la police. Solar Impulse doit entamer ce matin la traversée de l'Atlantique. 9 jours après son survol de la Statue de la Liberté et son arrivée à New York, l'avion solaire repartira en direction de Séville. Le décollage est prévu à 8h heure belge. C'est le vaudois Bertrand Piccard qui sera aux commandes pour ce vol de 90 heures, le plus long prévu cette année. En juillet dernier, André Borsberg avait volé durant plus de 120 heures entre le Japon et Hawaï, ce qui constituait un record. Après la traversée de l'Atlantique, Solar Impulse devra rejoindre Abu Dhabi pour boucler le tour du monde qu'il a entamé le 9 mars 2015. En tennis, le Britannique Andy Murray est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter 5 fois le tournoi du Queens. Murray a battu en finale hier le Canadien Milos Raonic en 3-7. L'Écossais, tenant du titre, l'avait déjà remporté en 2009, 2011, 2013 et 2015. À 29 ans, il décroche ainsi le 37e titre ATP de sa carrière, mais le deuxième cette année après sa victoire à Rome sur terre battue. Le tout à une semaine du début des internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon qu'il avait remporté en 2013. Fun Radio soutient les Diables. Et 1 et 2 et 3-0, la Belgique est en fête depuis la victoire de samedi face à l'Irlande. Et 90 minutes, les Diables ont fait oublier leur défaite dans le premier match face à l'Italie en jouant un match solide et appliqué. Romelu Lukaku, décrié lors du premier match, a marqué le but d'ouverture avant de marquer le troisième but belge après le 2-0 signé par Axel Witsel. Les Diables s'entraîneront encore aujourd'hui au Hayan à Bordeaux avant de rejoindre Nice dans la journée de demain. Ils y affronteront la Suède mercredi 21h à l'Allianz Arena. Un nul sera suffisant pour terminer deuxième du groupe E et se qualifier à coup sûr pour les huitièmes. Ils auraient alors rendez-vous le 26 juin à Toulouse avec le vainqueur du groupe F qui serait la Hongrie, l'Islande ou le Portugal. Fun. Fun Radio. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. 6h03, demain a priori c'est l'été, alors Jean-François, un mot sur la météo de ce lundi, qu'est-ce qui nous attend Doudou? Eh bien on commence la semaine avec un ciel qui restera chargé la plupart de la journée avec encore de la pluie, les maxima vont s'échelonner entre 14 et 18 degrés, les températures vont grimper à partir de demain mais le risque de pluie va rester, puis à partir de mercredi, les périodes ensoleillées seront nombreuses et les températures jusqu'à 25 degrés donneront enfin une impression d'été. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos, bon début de journée, qui va nous la tribu tout de suite, c'est Justin Timberlake sur Fun Radio. Fun Radio. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. Just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Il est 6h07 sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura du Avicii, il y aura du Drake également. On se réveille tranquillement. C'est Evan, c'est la tribu. Allez, on chante. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h. Et le monde les connards. Oh, sur radio. Hey. Et ça fait trop du bien. J'en crois soi. Avant le boulot. Evan et la tribu. C'est sur radio. De 6h à 9h. Une bande de déconneurs. Evan et la tribu. C'est sur radio. Et ça fait trop du bien. Avant le boulot. Alors c'est lundi, aujourd'hui nous sommes le 20 juin, demain c'est l'été. Jean-François nous annonçait il y a quelques instants qu'on allait avoir des bonnes nouvelles, c'est que le soleil sera enfin de retour pour la fin de la semaine. Et ça c'est vraiment, vraiment cool, on va faire péter le barbecue. D'ailleurs j'ai fait un petit barbecue moi hier midi, comme quoi finalement le début de l'été est déjà un petit peu là. Du son dance floor dans un instant avec Drake qui va arriver, ça sera One Dance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Il y aura Erra Istrefi aussi. Alors, vendredi, entre 6h et 9h, nous étions en direct de chez Nausicaa, en direct de Boulogne-sur-Mer. Moi, j'ai dû partir quasi tout de suite pour la région parisienne. Mais sœur Calie du Jambon est restée avec Yolande. Malheureusement, Justine étant un petit peu malade, elle n'a pas pu rester avec nous. Alors, sœur Calie du Jambon, qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez visité finalement Nausicaa avec les auditrices gagnantes qui nous accompagnaient ou pas? Oui, c'est ça. On a fait la visite non guidée. On l'a fait nous-mêmes. C'était génial. Il y avait Jean-François avec nous. D'ailleurs, on a fait plein de photos qu'on a postées sur la page Facebook. Et il y a aussi une vidéo qu'on s'est amusé à faire tous ensemble et qu'on va poster dans la journée. C'était vraiment impressionnant. Les requins. Mais les requins, ah, les requins. D'ailleurs, c'est... concernant un requin justement dans la vidéo, il y en a un qui te concerne, je n'en dis pas plus. Très bien, bien. J'invite tout le monde à découvrir cette vidéo. Elle est sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Non, on va la poster dans la journée, il y a encore un petit dernier d'accord, montage. D'accord, c'est comme tu m'invites à découvrir. Mais si je peux pas la voir, ça va être compliqué un petit peu quand même. Bien sûr, quand même. Mais j'ai dit qu'on allait la poster, m'amour. Dans quand vous le faites? Quand vous le faites? Quand? Dans la journée. Avant la fin d'accord. de la matinée. C'est pas très précis. Bon, donc je découvrirai le requin qui me concerne. Ouais. Donc dans la journée, à un moment qui n'est pas encore très précis. Alors Justine, on a pensé à toi puisque tu n'étais pas là avec nous vendredi, un petit peu malade. Mais en tout cas, si tu as l'occasion d'y retourner, tu t'es jamais allée toi à Nausicaa, Justine? Non, jamais. Vraiment chouette. Génial. Ouais, franchement, c'est à découvrir. C'est vrai qu'on a fait de la radio au-dessus du bassin des requins. J'ai essayé bien de temps en temps de pousser Jean-François Yolande, mais ça n'a pas marché. Hein. Malheureusement, il s'agrippait à la table. Donc ils seront encore avec nous aujourd'hui, on n'a pas pu faire autrement. Bon, les week-ends de chacun. Doudou, qu'est-ce que t'as fait toi Justine? Eh bien du coup moi je suis sortie à une soirée spéciale années 90. Et donc c'était déguisement de sortie et puis musique à fond les ballons, karaoké. Et c'était une super soirée. J'ai vu la photo que t'as postée sur ton compte Justine en mode de soirée, t'as oublié tes vêtements. Il manque des morceaux. Pourquoi? Elle était nue sérieux? Ah, elle était en tenue très légère, c'est une jolie photo. Ah bah super, moi je profite de rien. J'étais en short quoi, comme un été. Oui c'est ça, un short intestinal on va dire. Mais c'est Ramadan donc à mon avis c'est pour ça ils pouvaient pas trop regarder, c'est pour ça à mon avis. Ah non non, ouais, pendant Ramadan on peut pas regarder aussi des horreurs, c'est sûr. Alors sur les soirées des années 90, qu'est-ce qu'il y avait comme morceau sur lequel t'as dansé par exemple? Ah bah là c'est le que j'ai en tête depuis la soirée, du coup c'est boum boum boum boum. Ah oui, qu'est-ce qui chantait ça? Les Venga Boys. Venga Boys. Dim dum dum dum. Qu'est-ce que tu as fait Cali toi par Ramadan ce week-end? Ah ben j'ai fait un barbecue nocturne. Très bien. Je te promets, c'était à minuit, c'est génial. Mais je te crois. Oui, forcément, barbecue nocturne, c'est forcément pendant la nuit. Jean-François, à l'info, la météo, à l'info, trafic. À part savourer le 1, 2 et 3-0, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Ouais, j'ai déjà bien savouré le 1, 2 et 3-0. Hier, je suis allé voir une course cycliste pour me changer un peu les idées. Voilà. Donc tu n'as pas fait de vélo. Le roi de la pédale ce week-end, ce n'était pas toi. Non, absolument pas. Ou alors dans les descentes, juste dans les descentes. Ah oui, la fameuse descente à la buvette. Sandro, toi, tu as fait quoi, Doudou? Pas grand chose, excusez-moi. Pas grand chose, j'ai hiberné tout le week-end, voilà. Hibernez, très bien, c'est une bonne période juste avant l'été, tu as bien raison. Dites-nous vous ce que vous avez fait ce week-end, ce qui vous a fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux ce week-end? J'imagine évidemment que c'est le 3-0 de nos diables qui a fait vraiment bondir la nation entière. On va en reparler d'ailleurs dans un instant juste après le son d'Avicii. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir ce week-end? Dites-le nous par SMS au 3044. Dans 8 minutes, aux alentours de 6h20, ça sera l'horoscope de l'amour et de l'amitié de ce lundi 20 juin. Lundi, bon début de semaine à toutes et à tous. Je vous demande ce que vous avez fait ce week-end et du moins ce qui vous a rendu heureux, ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a fait plaisir ce week-end. Quelqu'un me dit on a fêté la victoire des Belges en faisant la descente de la Lef, la fameuse descente en vélo avec Jean-François qui poussait derrière évidemment, il en a fait partie. Alors un petit mot sur le match évidemment hein, des Diables qui nous a fait du bien. 3-0. Et alors, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'évidemment, tout le monde a décrié le joueur Lukaku lors du premier match et que là, bah, du coup, c'est devenu un peu un héros comme quoi, vraiment, au foot, c'est, les sentiments sont exacerbés et changent d'une minute à l'autre. Alors, Justine, comment tu l'as vécu ce match? Est-ce que tu l'as vu déjà? Oui, je l'ai vu à moitié dans le coma, du coup, en train de me remettre de ma soirée. Mais ça faisait du bien et c'était bon de voir, de retrouver nos joueurs. D'accord. Donc, vraiment, toi, ça t'a mis un bon petit coup au moral. Hein. Ah ouais, à fond. De manière super positive. Et pour toi, le joueur du match, ça aurait été qui alors? Pour moi, le joueur du match, c'était Lukaku parce qu'il s'est bien rattrapé et du coup, ça en a mis plein la face à ceux qui l'avaient critiqué la fois d'avant. Et bim, bam et boum. Sœur Khalid du Jambon, notre spécialiste football, j'imagine que tu vas avoir une analyse approfondie hein, du match, une analyse très, très, très pertinente. Hein. Pas autant que Jean-François. Tout ce qui est profond, c'est pour Jean-François. Bien sûr. Et alors, moi, je trouve que j'étais super content parce que tous les joueurs qui ont été critiqués, à savoir De Bruyne et Lukaku notamment, qui avaient été défoncés dans la presse, dans les médias, avec des photos montages, etc. Et ben là, ils sont bien vengés et ils ont répondu avec la manière. Et moi, je dis bravo à ces joueurs-là. J'étais très bravo. Merci en tout cas pour cette belle analyse. Jean-François, alors toi on sait que c'était derrière la buvette que tu étais lors du match, mais plus sérieusement, comment tu as trouvé ce match alors? Écoute, moi je pense que je l'avais déjà dit la semaine dernière, on a un peu trop critiqué Lukaku parce qu'il a eu une seule occasion, mais il n'a pas eu beaucoup de bons ballons. Et il a juste répondu que quand on lui donne les bons ballons, c'est bien les exploiter. Donc voilà, pour le reste j'ai retrouvé De Bruyne, je pense, à sa meilleure place. Ouais. Et un vrai esprit de groupe, un vrai esprit de corps et toute une équipe qui a cloué le bec à pas mal de monde. Et ce qui était bien, oui, tu allais prendre la Khalid. Oui, c'est Witzel quand il a marqué son but. La première personne qu'il a rejoint, c'est il est tombé dans les bras de Wilmots. Et ça, c'était très représentatif de leur cohésion et de leur solidarité. Et moi, je trouvais ça super beau. J'ai pleuré. Moi, j'ai trouvé ça bizarre quand il lui a roulé une pelle avec la langue, quand même, à Marc Wilmots. Je trouvais ça allait un peu loin. Ça allait un peu loin. Hein, c'était bien de faire son coming out, mais ça allait un petit peu loin tout de même. 6h17 sur Fun Radio. Si vous avez envie d'en parler du match, n'hésitez pas. On va parler aussi des pronostics parce que vendredi, on a fait le tour des pronostics et la tendance, hein, c'est avec la victoire emportait selon vous vendredi. Vous avez gagné. Moi, j'avais pronostiqué la défaite. Je me suis bien planté. Bien fait. Et on verra si quelqu'un avait trouvé la bonne réponse au pronostic tout à l'heure. On le fera avant 9h. Il y a beaucoup de cadeaux à vous offrir aujourd'hui. On en reparlera aussi dans quelques instants. D'abord, c'est le son de Drake avec One Dance sur Fun Radio. Et à 6h18, juste après, ça sera l'horoscope. L'horoscope de l'amour et de l'amitié. Il est là tous les matins aux alentours de 6h20. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Il est 6h21 sur Fun Radio. Quels sont les prénoms que nous fêtons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des prénoms d'ailleurs à fêter en ce lundi 20 juin, Justine? On fête les Balthazar et les Gobain. Voilà. Tout simplement. Gobain, okay. Voilà. Oui, oui, Khalid, un petit mot sur Gobain. Ouais, Gobain 9, c'est ce qu'il y a à dire. Dans un instant, il y aura Istrefi sur Fun Radio. Alors les doudous, que vous réserve cette journée pour les astres, hein, du côté des astres, les béliers pour débuter, Justine? Vous devriez vous comporter un peu plus en adulte. Taureau. Vous serez surchargé durant les prochains jours, mais ça ira mieux en fin de semaine. Gémeaux. Un ami de longue date aura sûrement besoin de votre aide. Les cancers. Pas de soucis à se faire sur le long terme, mais réglez quand même vos problèmes, les cancers. Lion. Ayez confiance en votre partenaire, il n'y a que du positif dans votre relation. Les vierges. Vous devriez rassurer votre famille, elle a besoin de vous en ce moment. Balance. Vous n'avez pas à vous plaindre, tout vous réussit en ce moment aussi. C'est bien les balances, on est content pour vous, un petit peu jaloux aussi en même temps. Scorpion. Vous avez délaissé vos amis ces derniers temps, rattrapez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Les sagittaires. Pensez à ce que votre conjoint attend de vous, ne foncez pas tête baissée. Les capricornes. N'hésitez pas à vous confier à quelqu'un de proche qui pourra vous conseiller. Verseau. Vos projets sont sur la bonne voie, tout devrait être concrétisé très bientôt. On termine avec les poissons. Le week-end vous a reboosté à fond, vous repartez plus motivé que jamais. Et je le crois, hein, la victoire des diables ce week-end, évidemment, rebooster le pays tout entier. N'hésitez pas à crier votre joie, SMS 3044 sur le Facebook de l'émission et sur le Snapchat. Et à 6h22, je vous envoie le son des Rice Treffy juste après. Justement, on va lire tous vos messages du week-end. À tout de suite. L'horoscope. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Tiffany, elle nous dit la musique qui va rester, c'est un beau roman. C'est une belle histoire. Non. C'est qui chantait ça? Michel Fugain. Oui, ben qui fugue, justement, et qui revient pas. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors au total ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station SO ou SO Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur so.be/fr/cycling, soumis à conditions. Ce soir à 21h45 sur Plug RTL, votre série Psych. Je suis désolé Henri. Il faut que vous le sauviez, c'est mon papa! Grâce à ses talents de déduction, Shaun Spencer résout des enquêtes impossibles pour la police. Vous êtes la meilleure chance que nous ayons de mettre la main sur cette ignoble pourriture. Ces types sont comme les gardes de Buckingham Palace. Ils ont même pas le droit de nous effleurer. Psych, ce soir, à 21h45. Plug RTL. Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. One. We used to have a love that felt so strong. Remember lying in the summer sun. Just take me back where we belong. I'm longing for your touch that felt so right. I know that we can go for real this time. Just tell me that you are the only one. And take me back where we belong. You make me come alive. Don't give up, I'm holding on. I'm dreaming of the days when we were young. We could have had it all, so what went wrong? I'm dreaming of the time that feels long gone. Just take me back where we belong. I'm longing for your touch that felt so right. I know that we can go for real this time. Tell me that you are the only one. So take me back where we de membres d'Evan et la tribu faut-il pour changer une ampoule? Aucun. Le temps qu'ils comprennent, il fera déjà jour. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Fun Radio. Once. Il est 6h29 sur Fun Radio. Ah, j'ai hâte dans un instant d'écouter le son de Maître Gims. Il y aura également du Alan Walker avec Sing Me To Sleep. C'est le tout dernier. Si on peut avoir un petit extrait musical juste avant les infos, la météo, je serai preneur et je paierai s'il le faut. À 6h29, un mot sur les messages Facebook qui viennent d'arriver déjà très tôt ce matin. Khalid. Oui, il y a Claude qui souhaitait un joyeux anniversaire de mariage à ses 7 ans à sa petite femme Sandrine et pour lui dire « Je t'aime plus que tout, ma Sandrine ». Merci d'avance. Oh, c'est beau, un petit message d'amour dès ce matin. Ça alors si vous aussi voulez faire passer des petits coucous SMS 3044 sur le Snapchat de l'émission. Sur le Snapchat, c'est Justine qui va vous lire dans quelques instants. Et puis informez-nous des températures, de la météo qu'il y a chez vous. On fait ça tous les matins aux alentours de 6h35. Quelqu'un me dit, quand la Belgique, ce qui est top, il n'y a plus de Flamands et de Wallons. Ce qui a été génial et vu à la télé, c'est la fête après match avec les Irlandais. On a fêté la victoire en faisant la descente de la Lef. Ça c'est encore dit. Décidément, il y a eu beaucoup de descentes de la Lef. 6h30, dans un instant, le son d'Alan Walker, pas d'extrait. Pourtant, j'étais prêt à payer. Ouais, mais il faut payer encore plus cher, hein, tu sais. Bah, donne-moi ton prix, alors je paye. 50€ parce que je dois repayer la production pour avoir l'extrait. Ah, bon. Donc on l'aura jamais. Bah, écoutez, si vous ne connaissez pas le dernier Alan Walker, vous l'aurez dans un instant et déchire tout. Le petit chouchou, le producteur chouchou de Justine d'ailleurs, va arriver juste après les infos et la TTO. Il est 6h30. Oui. Oui. Allez, bienvenue à tous sur Fun Radio, il est 6h30, oui. Puis on passe à l'actu avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. La police a ordonné à la STIB de limiter les accès à plusieurs stations de métro bruxelloises suite à la menace terroriste qui touche la Belgique. Depuis ce samedi, l'accès est limité aux stations Botanique, Bourse, De Broeker, Rogier, Isère et Herman de Brou. Ces restrictions d'accès sont en lien avec la menace terroriste. La police a demandé à la STIB de fermer plusieurs accès afin de faciliter le contrôle des voyageurs. Une signalisation a été mise en place à l'intérieur et à l'extérieur des stations pour guider les usagers. Le métro continue à rouler normalement et ce dispositif restera en place jusqu'à nouvel ordre. Deux des trois hommes placés sous mandat d'arrêt samedi, suspectés de planifier une attaque terroriste, font partie de la famille des frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui, auteurs des attentats du 22 mars. L'un d'eux est un cousin des frères et a déjà été condamné avec Ibrahim El Bakraoui pour un vol avec violence. Les trois hommes ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi. Lorsque les enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont perquisitionné 40 adresses à Bruxelles et dans plusieurs autres villes, ces personnes auraient notamment eu l'intention de commettre une attaque pendant la retransmission de la rencontre des Diables Rouges samedi après-midi dans la fan zone de la place Rogier. Aucune arme ou explosif n'a été découverte lors des perquisitions. Solar Impulse doit entamer ce matin la traversée de l'Atlantique, 9 jours après son survol de la Statue de la Liberté et son arrivée à New York. L'avion solaire repartira en direction de Séville. Le décollage est prévu à 8h heure belge. C'est le vaudois Bertrand Piccard qui sera aux commandes pour ce vol de 90 heures, le plus long prévu cette année. En juillet dernier, André Borsberg avait volé durant plus de 120 heures entre le Japon et Hawaï, ce qui constitue un record. Après la traversée de l'Atlantique, Solar Impulse devra rejoindre Abu Dhabi pour boucler le tour du monde qu'il a entamé le 9 mars 2015. Fun Radio, à l'heure de l'euro. Après son partage 0-0 hier contre la Suisse, la France termine donc à la première place de son groupe devant les Suisses. L'Albanie, victorieuse de la Roumanie, termine avec 3 points et devra attendre pour savoir si ça lui suffit pour être qualifié. Ce soir, la Russie affronte le Pays de Galles et la Slovaquie rencontre l'Angleterre à 21h dans un groupe B où tout reste possible. Avant ce troisième match, l'Angleterre est en tête du groupe avec 4 points devant le Pays de Galles et la Slovaquie qui compte 3 points. Même la Russie qui n'a pris qu'un petit point en 2 matchs peut encore se qualifier. Comme c'était déjà le cas pour le groupe hier, les deux matchs se déroulent en même temps. Un petit mot enfin pour vous dire que l'affaire Amber Heard Johnny Depp a défrayé la chronique, mais le divorce sur fond d'accusations de violence conjugale aurait également des conséquences sur la santé et la carrière de l'actrice ces derniers jours. Les photos d'Amber Heard montrent la jeune femme très amaigrie. Visiblement, cette perte rapide de poids lui poserait même quelques problèmes sur le tournage d'un nouveau film. Lors d'un essayage pour son prochain film, les équipes de production ont réalisé que l'actrice flottait dans ses costumes. Les producteurs ont même décidé d'annuler une séance d'essayage à Londres, estimant que l'actrice n'était pas prête à apparaître devant la caméra. Depuis l'annonce de son divorce, Amber Heard aurait perdu 9 kilos. Et ben voilà, de quoi maigrir, plus besoin de faire les régimes à la con là, comme ça, il suffit simplement de se séparer, c'est simple. Dans un instant, il y aura Alan Walker qui va débarquer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le flash, Jean-François? T'as des gens qui habitaient dans ta bouche? Non, je sais pas. Ah, c'est bizarre. Il a laissé de nains dans sa bouche. Incroyable. Il doit y faire chaud et humide, c'est pour ça qu'ils sont là. On termine la météo. Le ciel restera chargé la plupart de la journée avec des pluies régulières. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 18 degrés. Les températures grimperont à partir de demain, mais le risque de pluie va demeurer. Mercredi et jeudi, les périodes ensoleillées seront nombreuses et les températures jusqu'à 25 degrés donneront enfin une impression d'été. On se retrouve à 7h pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est Alain Moncoeur sur Fun Radio. Taré comme jamais, tous les matins, 6h-9h. Evan et la tribu sur Fun Radio. Feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Sing me, sleep now. Sing Il est 6h37 sur Fun Radio, nous sommes lundi aujourd'hui. Dans un instant, je vous ai calé le son de Maître Gims. Ce sera Zoom Zoom. Dans un instant, on parlera du cadeau qu'il y aura à gagner toute cette semaine entre 6h et 9h. Et il n'y aura pas que ce cadeau qui vous sera offert aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir repartir. Alors là, Justine, je vais demander un petit peu ton aide, parce que j'avoue que j'ai du mal un petit peu avec cette opération. Nous allons partir la semaine prochaine du côté de Seignos. Alors c'est près de Biarritz, c'est en France, c'est dans le sud-ouest de la France. On sera en direct pendant une semaine au bord de l'Atlantique, dans un club bel en bras. Nous, plus l'équipe de l'Happy Hour avec Audrey, entre 17h et 20h. Et on va emmener des auditeurs avec nous la jouer en mode glande, en mode vacances toute la semaine prochaine, du lundi au samedi. Alors, est-ce qu'on peut encore jouer ou est-ce que c'est trop tard? On aura une grande finale parmi tous ceux, toutes celles qui nous écoutent, là, qui ont déjà joué il y a quelques semaines, Doudou. Eh bien, en fait, c'est une grande finale. Donc, c'était un concours qui avait lieu sur la page Facebook, mais il y a déjà des présélectionnés. Attends, je finis monter à la banque, oui, parce que oui, je pensais que ta phrase allait être... Tranquille, tu dis si on te dérange, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais je pensais que sa phrase allait être beaucoup plus longue, et en fait, c'était une phrase super courte. Bah, tu m'as demandé s'il y avait des présélectionnés ou si c'était arrêté, voilà, ça ne devait pas être plus long. Donc, si je résume, il y a eu donc un concours Facebook, et parmi toutes celles, tous ceux qui ont participé, qui nous écoutent peut-être ce matin, eh bien, sachez-le, il y aura une finale, grande finale, qui aura lieu juste avant 9h, aux alentours de 8h55. Et il y a combien de personnes qui partent avec nous en tout? Alors, je ne sais pas, parce que c'est pas moi qui ai fait les présélectionnés. Je suis en train, justement, de tout mettre en place. D'accord, donc c'est une cinquantaine, soixantaine de personnes, c'est ça en gros, c'est, hein, c'est ce qui était marqué sur la première fiche. Très bien, donc rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 8h55 pour la grande finale bel en bras, juste un petit peu avant 9h. On va lire vos messages sur le Snapchat de l'émission, Justine. Alors sur le Snapchat, Monica nous dit: que ferait-on sans vous sur la route du boulot? Merci de nous accompagner chaque matin. Kevin, hello les rondelles, en forme après un bon week-end. Vive les diables, vive la tribu et surtout vive la Belgique. Et puis Aurélie, pour ma petite chérie Coco qui reçoit ses résultats aujourd'hui, je suis sûre que tu as tout cartonné. Gros bisous, t'es la meilleure. D'ailleurs, à propos de résultats qui ont cartonné, il faut qu'on salue collectivement Justine qui a passé son examen vendredi et qui était comme d'habitude peu sûre d'elle. Oui, je vais encore paumer, je vais me faire saquer, tout ça, tatata. Bah bon, Justine, voilà, manque de confiance en elle. Et finalement, elle a terminé avec quoi? T'as terminé avec quelle distinction? Avec une grande distinction. C'est le plus haut que tu pouvais avoir? Bah, il y a la grande distinction et puis il y a la plus grande distinction. Et après, il y a la très très grande distinction. Après, il y a la très très très énorme grande distinction. Mais en tout cas, félicitations, Justine. Tu sais ce qu'il te reste à faire cette semaine? Faire péter le champagne. Ouais. Sœur Kelly de Dujon, bon, nous allons lire les températures ce matin qu'il y a un petit peu partout. Ce sont les auditeurs qui nous informent ce matin. Eh ben, tu nous as parlé d'été, eh ben, ça va encore attendre parce qu'il va pleuvoir sur tout le territoire. 15 degrés à Liège, c'est signé Marine. 12 degrés à Namur, Olivier. 15 degrés sur Bruxelles, mais c'est Vanessa qui nous signale ça. Et Seb nous annonce 4 degrés du côté de Hershey. Par SMS, il y a Soso qui me dit: ce week-end me manque déjà, le dimanche est toujours trop court. En tout cas, j'ai bien glandé ce week-end en mode glande, hein. Vous toutes, vous tous, plus en mode football avec la Belgique qui a gagné ce week-end, ça fait du bien. 6h40, voici la phrase Facebook du jour. Khalid, c'est à toi. Je suppose que tu n'étais pas censé ignorer que c'était la fête des papas ce week-end, Evan, en Belgique. Ah, la fête des pères, et j'ai même eu moi. Non, mais c'était... Oui. Ok, ouais. Autant pour moi, je pensais que c'était en Belgique. Mais comme je ne suis pas papa, je ne suis pas au courant. Non, ça veut dire que tu ne l'as pas souhaité à ton père non plus, c'est parfait. Si, je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Le mec, il comprend rien. Ah bah moi, je comprends rien. Attends, avant de balancer la phrase. J'attends en tout cas, j'étais en France, et oui. Donc du coup, en fait, même si c'était la fête des pères françaises, ouais. Et ben, j'ai quand même eu un cadeau. Du coup, moi, j'ai deux fois les cadeaux, c'est ça l'avantage d'être franco-belge. Et donc, on m'a offert un pantalon beaucoup trop grand ce week-end, et ce qui me fait dire qu'il faut que je prenne absolument du poids pour le mettre. Voilà, ceci étant dit, voici la phrase Facebook du jour en rapport avec la fête des papas en France. J'ai reçu des cadeaux de mes enfants pour la fête des papas, je les ai tout de suite jetés, mais je sais pas quoi faire des cadeaux par contre. Des paquets cadeaux. 6h41 sur Fun Radio, nous parlerons de l'OP de la semaine dans un instant. Alors je vous donne un petit indice en rapport avec du téléphone. On aura également aux alentours de 6h55 le jeu que vous kiffez tous les matins avec nos copains de chez Megableu. Ce sera le 5 secondes chrono. Voici Maître Gims. Et ton fils, blesse, m'as-tu dit, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, Pogboum, what are we, what I know. Elle a jeté son cœur en fleuve, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Le Bugatti zone d'un zoo, zoo. Porsche Panamera zoo, zoo. Bugatti Verona zoo, zoo. Berlinetta zoo, zoo. Bugatti zone d'un zoo, zoo. Porsche Panamera zoo, zoo. Bugatti Verona zoo, zoo. Berlinetta. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6.5. Juste avant 7h sur Fun Radio, on joue ensemble aux 5 secondes chrono avec nos copains de chez Méga Bleu. Si vous voulez jouer avec nous, vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322 pour repartir avec votre boîte de jeu. On le fait tous les matins, le principe est très simple, vous choisissez un membre de l'émission, vous jouez contre qui vous voulez et vous allez devoir trouver 3 choses en moins de 5 secondes chrono. Voilà ce qui vous attend. 6h45, Justine, gros cadeau cette semaine à nouveau, il serait en rapport avec, avec du téléphone, hein, puisque si vous avez un téléphone tout pourri, un vieux machin, un vieux branle, vous avez envie de changer, bah, ce sera l'occasion ou jamais cette semaine de repartir avec ce cadeau, Justine. C'est ça, bah, il y a quelques semaines on vous offrait d'Alcatel le nouveau smartphone, donc le Pop 3, et bien on passe à la génération supérieure, au modèle supérieur. On vous offre cette semaine l'Alcatel Pop 4 d'une valeur de 130€. Alors pour vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous êtes appelé à n'importe quel moment de l'émission et que vous décrochez, vous repartez avec ce téléphone dernière génération. Comment s'inscrire? Vous envoyez le code POP tout simplement au 6322. Pop, P-O-P avec plein de P comme Patrick, papa et pouf. Voilà, c'est marrant parce que dans le micro ça fait des pu. Quel enfant, c'est génial. Tiens, j'aimerais bien voir les enceintes dans les voitures en ce moment. Ça doit être super désagréable. 6h46 sur Fun Radio, vous inscrivez dès maintenant. À tout moment j'appelle chez vous et si vous décrochez, c'est gagné. Voici Souffle sur Fun Radio. D'ailleurs, j'ai l'impression d'en manquer un petit peu, moi, de souffle. De souffle. Ah, connard, ma pète. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Et 25 mai, Dan, n'oublie pas, Athénée Royal Verdi, tu peux passer devant, on te fera un coucou quand on sera. Et tu peux aussi passer derrière. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Proximus présente. Full Control, parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non, ce soir je ramène pas de mec chez moi. ...abusent parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico ?

et j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. Je t'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Ce n'est pas assez, j'entends sa voix si belle au timbre angélique. Il est 6h53 sur Fun Radio. Tout à l'heure à 7h, les infos, la météo, l'infotrafic, ce sera avec Jean-François aux alentours de 7h05. Le petit déj gratos comme tous les matins. On sera du côté de quelle ville aujourd'hui, Justine? On sera à Waterloo ce matin. Direction Waterloo donc pour le petit déj gratos. On fait ça tous les matins entre 6h et un peu plus de 9h, puisque généralement on demande aux artisans boulangers de pouvoir vous offrir le petit déj gratos jusqu'à aux alentours de 10h. Voilà, c'est dit, la révélation de l'adresse, ça sera dans une dizaine de minutes, 6h54. À suivre Galantis pour le son dance floor. Let's go. 5 secondes chrono. Affrontez Evan et sa tribu. On devait avoir Pietra ce matin du côté d'Anderlecht, 21 ans, qui devait jouer avec nous, mais malheureusement qui n'a pas décroché. Ça veut dire qu'à mon avis, elle ne s'est pas réveillée ce matin après un week-end de teuf, à cause, je dis bien à cause, ou grâce aux Belges, grâce aux Diables qui ont gagné ce week-end. Et ça, ça fait du bien. On va donc jouer entre nous ce matin, et je vais vous faire jouer devant toutes les tribus ce matin, Justine contre Jean-François. Ah, les doudous. L'écartage le plus important quasi de l'émission. Nous allons jouer avec Justine pour commencer. Justine, cite-moi en moins de 5 secondes chrono 3 publicités télévisées avec des animaux. Top. Whiskas, Félix et Royal Canin. En fait, c'était que des trucs de bouffe de chien, c'est bien joué. C'est logique. Mais ouais, logique. Et un point pour Justine. On comprend pourquoi elle a eu une grande distinction vendredi à son examen. T'avais pas plus facile non plus comme question, hein. Si, j'avais plus facile. Bah tiens, on va voir pour toi ce que ça peut donner, hein, ce matin. Cite-moi en moins de 5 secondes chrono, Jean-François, l'info, la météo, l'info trafic. 3 titres de livres pour enfants, top. Alors là, Martine à la plage, Martine à la montagne. Ah non, ça compte pas. Martine attend les marins parce que c'est jour de paye. Voilà. J'adore les parodies de Martine. Allez, un point pour chacun et c'est une victoire collective de Justine et de Jean-François. Ça fait plaisir. Vous aussi, vous voulez jouer aux 5 secondes chrono, écoutez comment ça se passe. Pour jouer vous aussi aux 5 secondes chrono avec Méga Bleu, envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Il est 6h59 sur Fun Radio. Vous venez peut-être à l'instant de vous réveiller parce que le réveil a sonné. Vous avez la tête dans le Darjo, la tête dans le Huck, hein, on va dire ça comme ça. Bon courage à vous, un petit thé, un petit café et de quoi bien manger ce matin. On ira prendre le petit déj gratos. D'ailleurs, ce sera du côté de Waterloo ce matin. Révélation de l'adresse dans 5 minutes. On aura également à vous offrir le nouveau téléphone, le Pop 4 de chez Alcatel. Vous pouvez encore vous inscrire si vous avez envie de le rafler, ce téléphone, en voyant tout simplement, en envoyant le mot POP, P-O-P, par SMS au 63 22. Et s'il y a un tirage au sort parmi toutes celles, tous ceux qui sont inscrits ou inscrites et que eh bien vous décrochez, vous repartirez avec votre téléphone dernière génération, le Pop 4 de chez Alcatel. Allez, pour la suite du son Dance Floor, on aura que du bon dans un instant. Qu'est-ce que tu nous as calé, Sandro, à l'arrêt, à mon doudou? J'ai calé du Deoro et puis un peu après j'aurai du Madden aussi. Ah, ça va déchirer tout. Il est 7h ce matin sur Fun. Fun. Fun Radio. Fun. Et on s'informe en compagnie de Jean-François maintenant. Salut Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies hier à Orlando pour une veillée aux chandelles en hommage aux victimes de la tuerie commise il y a une semaine dans une boîte de nuit gay de cette ville du sud-est des États-Unis. Le maire d'Orlando a tenu à remercier les secours et a promis aux survivants et aux familles des victimes que la communauté locale les soutiendrait. Selon l'agence du tourisme d'Orlando, 50 000 personnes ont assisté à cette veillée pour rendre hommage aux victimes de l'attaque du Pulse, la boîte de nuit gay où a eu lieu le 12 juin la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. La foule a également observé une minute de silence après la lecture des noms des 49 victimes. Chez nous, la police a ordonné à la STIB de limiter les accès à plusieurs stations de métro bruxelloises suite à la menace terroriste qui touche la Belgique. Depuis ce samedi, l'accès est limité aux stations Botanique, Bourse, De Broeker, Rogier, Isère et Herman de Brou. Ces restrictions d'accès sont en lien avec la menace terroriste. La police a demandé à la STIB de fermer plusieurs accès afin de faciliter le contrôle des voyageurs. Une signalisation a été mise en place à l'intérieur et à l'extérieur des stations pour guider les usagers. Le métro continue à rouler normalement et ce dispositif restera en place jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de l'économie Chris Peters a tranché sur les concours de beauté d'enfants en Belgique. Ils sont pour lui illégaux. Pour l'inspection au contrôle du travail et des lois sociales, le concept d'un concours de beauté présente des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants. Pour Chris Peters, de tels concours sont inappropriés. Une participation à une élection de mini-miss ou de mini-mister relève de la législation relative au travail des enfants. Cela signifie que c'est interdit, a ajouté le ministre. Le premier concours de beauté pour enfants devait avoir lieu le 21 juillet prochain à La Panne. Fun Radio, à l'heure de l'euro. La Belgique est en fête depuis la victoire des Diables samedi 3-0 face à l'Irlande en 90 minutes. Les Diables Rouges ont fait oublier leur défaite dans le premier match face à l'Italie en jouant un match solide et appliqué. Romelu Lukaku, très décrié lors du premier match, a marqué le but d'ouverture avant de marquer le troisième but belge après les 2-0 signé par Axel Witsel. Les Diables s'entraîneront encore aujourd'hui au Hayan à Bordeaux avant de rejoindre Nice dans la journée de demain. Ils y affronteront la Suède mercredi à 21h à l'Allianz Arena. Un nul sera suffisant pour terminer. Terminé deuxième du groupe E, se qualifie à coup sûr pour les huitièmes. Ils auraient alors rendez-vous le 26 juin à Toulouse avec le vainqueur du groupe F, soit la Hongrie, l'Islande ou encore le Portugal. L'Italie, parlons-en, elle s'est entraînée hier matin sans Antonio Candreva et sans Gianluigi Buffon dans son camp de base à Montpellier. Le milieu de terrain transalpin est blessé à l'aine alors que le gardien, capitaine de la squadra Azzurra, était dans un état grippal avec de la fièvre. Buffon devrait faire l'impasse sur le dernier match de l'Italie dans le groupe E contre l'Irlande, mercredi, comme sans doute plusieurs pions de base. Les Italiens d'Antonio Conte sont en effet déjà assurés de la première place du groupe après deux succès face à la Belgique et contre la Suède. L'Italie jouera lundi prochain son huitième de finale contre le deuxième du groupe D au stade de France à Paris, et qui sera soit l'Espagne, la Croatie ou la Tchéquie. Fun. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Jean-François, la météo pour ce lundi. Le ciel restera chargé la plupart de la journée avec des pluies régulières. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 18 degrés. Les températures grimperont à partir de demain, mais la pluie devrait demeurer mercredi et jeudi. Les périodes ensoleillées seront nombreuses et les températures jusqu'à 25 degrés donneront enfin une impression d'été. Fun Radio, alerte trafic. Un petit point sur vos conditions de circulation matinale. Les premiers ralentissements de la journée sur le ring intérieur entre Heusingen et Forêt avec déjà 25 minutes de temps de parcours supplémentaire. 20 minutes de parcours supplémentaire sur le ring extérieur entre Genappe et Argenteuil. Et comptez également un petit quart d'heure sur votre temps de parcours si vous êtes sur la E411 Namur en direction de Bruxelles entre Overijse et le carrefour Léonard. On se retrouve à 7h30 pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est Deoro sur Fun Radio. Fun Radio. retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila. Il est 7h07 sur Fun Radio, nous sommes lundi aujourd'hui le 20 juin. Merci de commencer la journée avec nous avec du son dance floor et de la déconne. Allez yo yo chante. Toute la tribu est là autour de la table. Justine, bonjour. Yo. Sœur Khalida du jambon. Hey. Jean-François, l'info la météo, l'info trafic. Oh. Sandro à l'area et Yolande de retour de chez Nausicaa. On y était en direct vendredi entre 6h et 9h. Ils n'ont pas voulu te garder pour t'exposer. Hein. La loutre de mer, qu'est-ce qu'il y avait le lamantin, voilà, y a, si tu m'as fait penser de, à un lamantin. Assez grand. Oui, c'est ça, mais on aurait pu te mettre avec les requins. Bon, t'as kiffé toi, Nausicaa, j'ai parlé de Bellembras. C'est le même opérateur qui s'occupe de ça, c'est Olivier, alors forcément je pense aux deux. Donc Nausicaa, t'as kiffé Yo-Yo après la visite, tout ça. C'était génial, mais c'est la deuxième fois que j'y allais et j'adore toujours autant. Ah ouais, c'est vrai, oui, t'avais déjà enquillé pas mal de fois. Est-ce que t'as touché des raies? Non, c'est pas mon truc. Non, parce qu'il y a un moment où on peut toucher des raies dans un bassin qui est accessible à tout le public. Voilà, les poissons sont là, ils viennent quasiment manger dans votre main. Est-ce que t'as touché des manchots? J'ai rien touché. On peut pas. Même pas Jean-François, t'as pas touché Jean-François? Mais non, c'est la propriété de Khalid. Oui, c'est ça. Il devait être déçu. Et puis c'est mon cachalot à moi, de toute façon. Je vais éternuer, attention. Ah, attends. Ils ont, ils ont quand même été très sympas avec Yolande, hein, chez Nausicaa, tu sais, Evan, parce qu'ils l'ont quand même laissé ressortir. Hein, donc... C'était le plus important, on avait l'espoir qu'il la garde tout l'été, mais non, c'était pas possible. 7h09 sur Fun Radio, voici le son de Madden, c'est ce qui arrive dans un instant. Il y aura du Chris Cab aussi. Nous verrons dans quelques minutes si Sœur Khalid du Jambon, Justine des infos people. Et puis nous allons manger dans deux secondes. Avant cela, quels sont les prénoms que nous fêtons aujourd'hui, Justine? On fête les Gobins et les Balthazar. Les Gobins, c'est pas possible ça. Incroyable de se lever un matin et dire je vais appeler mon enfant c'est Gobin. Ça. Le pire, c'est s'il appelle Jean. Jean Gobin. On va prendre ta place de chroniqueur, Khalid. Allez, on va manger. Petit déj gratos sur Fun Radio. On a Marcello avec nous. Bonjour Marcello. Bonjour Evan. Bonjour la tribu. Marcello, sois le bienvenu en direct sur Fun Radio ce matin, comme tu l'as fait avec de nombreux boulangers partout en Wallonie déjà depuis 2 ans maintenant. C'est le petit déj gratos. C'est tous les matins entre 6h et 9h. On est donc à Waterloo ce matin. Quel est le nom de ta boulangerie? C'est Wooly. Donc, près de la sortie 25-26 du ring. D'accord, donc la boulangerie, c'est une boulangerie-pâtisserie ou c'est juste une boulangerie? C'est une pâtisserie où on fait des spécialités portugaises. D'accord, donc la pâtisserie Wooly ce matin vous accueille pour le petit-déj gratos. Elle se trouve où si je dois venir et que je mets mon GPS en route? La chaussée de Bruxelles, 720 à 1410 Waterloo, près du rond-point de Mont-Saint-Jean, donc près de la sortie 25-26 du ring. Et si vous avez oublié tout ça, vous tapez Wooly Pâtisserie sur Facebook et vous allez voir la page et il y a l'adresse. C'est nickel, c'est fait nickel ça, mon doudou. Alors, qu'est-ce que tu offres ce matin aux auditeurs qui viennent te voir de la part de Fun Radio? Alors, j'ai le meilleur gâteau au monde, un pastel de nata et un petit expresso pour bien se réveiller. Alors, c'est quoi cool, le pastel de nata? Tu peux nous en dire plus? Pastel nata, c'est super simple. Un feuilleté, une crème pâtissière, mais une bonne crème pâtissière, hein. Pas comme on dit. Un zeste de citron, mais très léger. J'arrive. Ok. Voilà ce qui vous attend ce matin. Vous allez voir Marcello directement du côté de Waterloo. L'adresse est sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Je te fais un gros bisou, Marcello. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, Evan. Je t'embrasse très fort. Bisous Marcello, 7h11, on fête les Gobins aujourd'hui, Justine, c'est ce que tu nous as dit. Ouais. Et ce n'est pas signé, mais quelqu'un nous dit les Gobins d'abord. Voilà, hommage à une chanson de Georges Brassens, c'est vieux ça. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night, and I'll hold you tight in the golden light, in the golden light. 14 sur Fun Radio, je m'appelle Evan et où que vous soyez partout en Wallonie dans la région de Bruxelles capitale, vous êtes là, vous réveillez avec nous et là où il n'y a pas de fréquence, n'hésitez pas à nous rejoindre sur funradio.be, parlez-en autour de vous pour écouter Fun Radio où que vous soyez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tiens, on va reparler des cadeaux qu'il y a gagné, nouveaux cadeaux toute cette semaine entre 6h et 9h. Justine, rappelle-nous ce qu'on offre tous les jours de cette semaine entre 6h et 9h. On vous offre le dernier smartphone de chez Alcatel, on vous offrait le Pop 3 il y a quelques semaines, et eh bien on revient mais avec le Pop 4 cette semaine. Et une valeur de 130 euros. Alors pour essayer de le rafler, de le gagner dès maintenant, il suffit de vous inscrire. Si vous êtes appelé durant l'émission et que ça décroche de votre côté, vous repartirez avec ce téléphone. Comment jouer? Vous envoyez le code POP, donc POP, suivi de toutes vos coordonnées. Vous envoyez ça au 6322. D'ailleurs, j'ai une petite demande. On me dit, c'est quand que vous allez faire le tirage au sort pour le concours POP? Eh bien, le premier appel se fera pile poil dans une heure. Ce sera aux alentours de 8h10, 8h15. Comme ça, vous savez, 7h15 sur Fun Radio, à suivre le son de Chris Cap et Youssoupha sur Fun Radio. Ah non, c'est maintenant, d'accord. Bah, je voulais faire un petit peu de people, bah, c'est pas grave, on le fera juste après. Tu veux faire les people du jambon? Non, non, c'est pas grave, maintenant que c'est parti la chanson, on va pas l'arrêter en plein milieu. Sœur Khalid du jambon, dans un instant, l'info people. Il sera question de qui? De Taylor Swift. Taylor Swift à l'honneur dans l'info people de Sœur Khalid du jambon. Ce sera juste après le son dance floor de Chris Cab et Youssoupha maintenant, avec Badabing, Badabung, Badabung. You know that girl really turned me on. Youssoupha est dans la place. Tefa est dans la place. Pomaé dans la place, Miami est dans la place, Kinshasa est dans la place, Paris est dans la place, et ça fait bim bada bing, bim bada bing. 7h19 sur Fun Radio, on va écouter le son de Kungs pour aller jusqu'aux infos, la météo de 7h30, ce sera avec Jean-François, et il est l'heure de nous informer avec les people qui font toute l'actualité sur Fun Radio. L'info people de Dujambon. Alors on va déjà tester si tout le monde se souvient des morceaux de Taylor Swift. Alors ah oui. Sandro Alaria nous a calé un petit extrait d'une chanson de Taylor Swift. J'adore ce morceau, ça me fait toujours penser à cette vidéo où il y a un flic américain comme ça, oui, qui parodie la chanson. J'adore ce morceau. Merci Taylor. Alors qu'est-ce que tu as comme info concernant Taylor Swift, sœur Kelly du Jambon? Tu vas essayer de nous faire jouer, nous et les auditeurs maintenant, qui peuvent essayer de remporter quelque chose, un petit cadeau par SMS au 3044, s'ils trouvent la bonne info que tu vas nous balancer maintenant. Alors tu donnes le début évidemment, hein, tu en verras pour la fin. Bien sûr, c'est Taylor Swift qui a fait un truc pas très sympa à son ex Calvin Harris. Qu'a-t-elle fait à votre avis? Ah, c'est vrai qu'elle était avec lui, la louloute. Ah oui, ça fait tour du monde, cette info. Et il est avec qui maintenant, Calvin Harris d'ailleurs? On n'a pas l'info, on ne sait pas encore trop, mais elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ils sont plus ensemble. Oui. Et elle a fait un truc pour se venger un peu de la séparation auprès de Calvin Harris. Non, en fait, c'est elle qui est à l'origine de la séparation, mais elle l'a fait d'une manière vraiment honteuse. Ok, c'est donc ça, en fait on cherche précisément de quelle façon elle a largué Calvin Harris. Parce qu'on vient de l'apprendre, ils sont séparés il y a déjà quelques semaines, hein, mais on vient d'apprendre la manière dont elle s'y est prise. C'est vraiment pas sympa de la part de Taylor, qui moi je pensais était super, déjà elle est super belle, elle chante super bien, on pensait qu'elle était sympa, ben pas du tout en fait. Alors on va essayer d'aider les auditeurs, moi j'ai donné des indices. Est-ce que c'était fait avec un smartphone? Oui. Oh putain. Allez, attends, tu veux dire que... Putain, c'est mais si non, évident mais, que attention, ça non mais l'info n'est pas complète, c'est dans un contexte bien particulier. C'est ça qui est horrible. Elle lui a balancé le smartphone dans la figure? Bah non, sinon c'est pas... Enfin non, enfin. Ça peut arriver dans n'importe quelle dispute. Bah si, je te largue, putain. Prends-le dans la tête. Pas du tout, non, c'est pas ça. C'est un peu plus vicieux que ça. C'était pendant que... Bah non, pas pendant qu'il faisait un câlin. Genre t'imagines la situation, ils font un câlin, hop, elle envoie un message. Est-ce oui, vas-y. Yolande, est-ce qu'il y a des images ou des vidéos dans l'histoire? C'est pas ça, non. Bah putain, du coup, je vois pas du tout si c'est pas aussi simple. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec une chanson? Pas du tout. Non plus. Bon, ok. Alors les doudous, c'est à vous de jouer maintenant. Hein. Pendant qu'on écoute le son de Kungs, vous jouez SMS 3044 si vous savez ce qui se passe dans cette info people de Sœur Khalid du Jambon. Allez-y, si vous ne savez pas, bah ne jouez pas. Mais si vous savez, SMS 3044, puisque là, il est collé. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. On a entendu ton très joli timbre de voix. Ah, super, mais mon timbre de voix est magnifique. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff, là, pour débuter l'émission, Laura. Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Ah ben que non, c'est un cochon. Regarde, Spider Cochon est là. Je crois qu'on a trouvé Homer Simpson de Charleroi, là. Les rencarts ce soir, à 23h, pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space, avec Mike, le soir sur Fun Radio. Hola días, garagisto. Mi air condicionas es no funciona. Condicionas? El erco. Sí, sí. Escasos. Ah, erco casos. Yo Miguel. Non, rien. Oh, vas débrouillos. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Couleur café? Il y a ceux qui adhèrent et d'autres qui adorent. C'est une expérience de vie pour les jeunes. Ah ouais, papa, on s'éclate trop. C'est surtout l'ouverture aux autres. Tu veux dire qu'on chope des filles? Je veux dire que c'est un univers qui vous emporte. Ah ouais, on plane grave. Et ils en reviennent transformés. C'est sûr, il me faudra une semaine pour m'en remettre. Quelle que soit la raison qui vous amène à Couleur Café, la STIB vous ramène gratuitement. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Addict, le nouveau titre de Jepsar avec Liam Summers et Natel. And I'm not afraid to admit that.

trafic. Qu'est-ce que ça donne sur les routes, Jeff ? Eh bien, plus d'une heure de temps de parcours supplémentaire déjà sur le ring intérieur entre Wautier-Braine et Forêt. 30 minutes de temps de parcours supplémentaire également, c'est sur le ring extérieur entre Braine-l'Alleud et Waterloo, mais aussi sur la E411 Namur en direction de Bruxelles entre Rixensart et le carrefour Léonard. On se retrouve à 8h pour les prochaines infos et tout de suite, c'est le son Dance Floor sur Fun Radio avec Rochelle. Fun. Fun Radio. Du son Dance Floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Love me like no one else get you higher. No one else get you higher. You and I, we're so hot that we fire. We're so hot that we fire. Vous écoutez Fun Radio, il est quelle heure ? 7h38 minutes. Dans un instant, on aura du Janik, ce sera pour le son Dance Floor, et puis ensuite Fabien Fayesh. Qu'est-ce que c'est bon ce morceau ? Ce matin, nous parlons avec Sœur Khalid du Jambon et avec vous tous de Taylor Swift. Qu'est-ce qu'elle a fait pour larguer, entre guillemets, son ex, hein, Calvin Harris? Ben oui, elle a pris le risque de larguer. Pris le risque parce que c'est vrai, quand on est Taylor Swift et qu'on sort avec un DJ aussi connu, c'est plutôt pas mal pour sa carrière. Alors, nous avons Alexandra qui est avec nous. Bonjour Alexandra. Salut Evan, salut la tribu. Bonjour ma chérie. Alors toi, t'es sur la route du travail, c'est ça? Oh, et je suis dans les embouts pour changer. Ah bah d'accord. Et t'es dans quel coin au niveau des embouteillages? Mais là, je suis à la Hulpe actuellement et je vais travailler sur Bruxelles. Bon, 38 ans, hein, c'est ton âge Alexandra, tu fais quoi dans la vie? Je suis institutrice primaire. Alors Alexandra, qu'est-ce qu'elle a fait, notre Taylor Swift nationale, internationale, pour larguer, entre guillemets, son ex, donc son copain Calvin Harris? Mais disons qu'en fait, elle n'a pas été super sympa, parce que Calvin Harris a eu apparemment un accident de voiture et était hospitalisé. Donc il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital et cette charmante jeune femme n'a rien trouvé de mieux que de lui téléphoner sur son lit d'hôpital pour lui dire qu'elle avait besoin d'espace. Est-ce que c'est la bonne réponse, Sœur Khalid du Jambon ? Elle l'a résumé mieux que moi. Bonne réponse, bravo. Bravo. Mais moi, j'ai lu la suite de l'article qui dit qu'en fait, Calvin Harris s'est vengé. C'est ça. Ah bon? Et il s'est oui, vengé comment fait, il... Eh bien, on... il a porté une certaine marque de chaussures. Bon, j'ai oublié la marque. Yeezy. En fait, ouais, voilà, les Yeezy. Et donc, chaque jour, il s'est amusé en sortant de chez lui à porter un jour une blanche, un jour une noire. Et en fait, il faut savoir que le créateur donc, de ces baskets n'est nul autre que l'ennemi juré de Taylor Swift. Tout simplement. Et mais sans déconner, t'es au taquet de l'info people, Alexandra. Elle a on va pouvoir t'embaucher dans 50 minutes inside hein, avec Nico Zaniga. Ouais, j'ai bien les mais... Non, mais il manque une info dans ton info d'ailleurs. Ah oui, non, mais j'en ai plus d'autres là. Non, mais il y a un détail qui manque en fait, parce qu'il paraît, Taylor Swift est soupçonnée d'avoir trompé Calvin Harris avant son accident avec Tom Hiddleston, donc l'acteur qui a joué dans Thor et Avengers. Et apparemment, leur idylle date d'avant son accident. Et on soupçonne Taylor Swift de l'avoir largué en fait, donc l'avoir trompé et puis l'avoir largué sur son lit d'hôpital, donc c'est dégueulasse. Bah en fait elle peut se séparer. Sympa, hein ouais. Ouais mais elle peut se séparer, mais tu fais pas ça pendant que le mec il est sur un lit d'hôpital, t'attends au moins qu'il revienne, tu vois, qu'il soit au moins dans l'ambulance. Non mais c'est vrai, sans déconner, ça se fait pas Taylor, ça se fait pas. Bon en tout cas Alexandra, merci de nous avoir donné l'info, bravo, t'as été la première, elle a été très très complète, félicitations. Ouais. Je te fais des milliards de bisous puis je te souhaite bon courage sur la route dans les bougeons, pas de doute. Plein de gros bisous et continuez comme ça, vous êtes vraiment extra. Merci ma chérie, je t'embrasse très fort. Bisous Alexandra. Bisous ma doudou. Tiens, bonne journée à toi. On va demander aux filles qui sont autour de la table, Yolande et Justine, est-ce que vous avez déjà largué bizarrement ou de manière pas classe un mec, soit parce que vous aviez pas le courage de le faire, soit parce que vous étiez en colère après lui par exemple? Non. Moi non en tout cas. Généralement c'est moi qui me fais larguer. Ah d'accord. Et toi Yoyo? Non non plus quand même, il y a un minimum de décence quoi. Bon, alors on va demander au garçon. Khalid, est-ce que t'as déjà pas été très classe pour larguer quelqu'un dans ta vie? Oui, j'ai dû mentir. J'ai dû lâcher un gros bobard pour essayer de m'en échapper. Voilà, c'était une fille en fait. Physiquement, elle m'attirait pas des masses, mais bon, comme j'avais personne d'autre sous la main, et j'ai suis sorti. De grive, avec... hein. Ouais, voilà, faute de grive, on mange du couscous. Et, exactement. Et j'ai en fait. C'était physiquement, ça passait pas, et donc moi j'ai sorti autre chose, j'ai dit non, c'est pas physiquement, c'est moi le problème. Ah, c'est vraiment c'est un ça, truc de lâche, quoi, vraiment dégueulasse. Je veux pas qu'on perde l'amitié qu'il y a entre nous, c'est oui, ça, c'est le plus ça, gros mytho du monde. Oui, l'étincelle qui était entre nous s'est éteinte, malheureusement, voilà, tu vois, c'est un truc de lâche, franchement j'assume pas. Voici Janik sur Fun Radio, dans un instant ça sera Fabien Feyesh qui va arriver. Et comme on arrive bientôt à la fin de la deuxième saison d'Evan et la Tribu, on va vous demander, à vous toutes, vous tous, quels sont les Fabien Feyesh que vous avez kiffé, préféré, que vous avez envie de réécouter. On va le faire aussi entre nous, hein. SMS 3044, on fera ça dans un instant. Et puis avant 8h, le grand retour du Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François, il y aura du pognon à la clé. Janik, maintenant 7h42. Say that I'm a sinner, but I won't let you down. Long nights chasing the stars till the sunrise. Out of the blue, under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear the music play, every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. I can feel the love. Il est 7h45 sur Fun Radio. À suivre le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. On a combien dans la cagnotte, Justine, cette semaine? 40 euros pour trouver ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François. On en parlera juste après le son Dance Floor d'Enrique Iglesias. C'est ce que je vous ai calé d'ici 8h sur Fun Radio. Fabien Feillèche. Il reste 2 semaines d'émission avant les vacances, fin de la 2e saison d'Evan et la Tribu. Et alors Fabien Feillèche est présent avec nous depuis septembre 2014, tous les jours à 7h45. Et je vais vous demander cette semaine ce que vous avez envie de réentendre, les meilleurs Fabien Feillèche, ceux qui vous ont fait le plus kiffer. On va aussi voir ce que ça donne autour de la table. Et puis en fait, Sandro va caler en fonction de vos demandes un Fabien Feillèche. Tiens, Yolande, au hasard, lequel te ferait plaisir de réécouter? Il n'y en aura que 10 d'ici la fin de la saison à réécouter. Là, comme ça, je vois pas. Merci. Je me dis pas moi. Justine. Moi, c'est sans zéro doute le perroquet. Moi, c'est mon préféré. Perroquet, c'est ce que Alessio me dit également. Le perroquet de Fabien Feillèche. Khalid. Moi, c'est le carambar. Les blagues carambar. Bah, c'est génial. Très bien. Et toi, Sandro, par exemple? Moi, c'est l'attente quand il appelle quelqu'un et au final, il met SFR. Ah oui, c'est Ce que je vous propose, c'est de commencer par le perroquet qui a été aussi demandé en masse par nos auditeurs par SMS au 3044. Après cette diffusion, il en restera donc 9 à écouter d'ici la fin de la saison et d'ici les vacances. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes si vous voulez réécouter un Fabien Feillèche en particulier. On réécoute le top 10 des meilleurs Fabien Feillèche SMS 3044. Ça sera tous les matins aux alentours de 7h45. Voici donc à la demande générale Fabien Feillèche et le perroquet. Fabien Feillèche. Le perroquet, bonjour, c'est Fabien Feillèche. Oui, bonjour monsieur, c'est pourquoi? Oui, bonjour monsieur, c'est pourquoi? Non, monsieur, je suis désolé là, ça va pas être possible. Non, mais là je vous reconnais là. Non, mais là je vous reconnais. Vous avez pas autre chose à faire? Mais vous avez pas autre chose à faire là? Putain, mais c'est fou ça quand même! Non, mais oh! Ça suffit maintenant! Y'en a qui bossent! Merde! Le perroquet, bonjour! C'est encore Fabien Feillèche! Ça suffit! Je vais appeler la police, hein! Moi, je vais appeler la police! Tu m'emmerdes! Le perroquet, bonjour! C'est encore Fabien Feillèche! Putain! Mais il me casse les couilles! Allô? Le perroquet? Je reçois plus! Le perroquet, bonjour! Écoute-moi! Moi, j'appelle la police! Ils vont te localiser! Tu vas m'en faire le malin, mon petit pote! Arrête de répéter, bordel de merde! Putain! Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Feillèche, sur soundcloud.com, en tapant dans le moteur de recherche Evan et la Tribu. 6h-9h sur Fun Radio. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. Profitez du coucher de soleil. Ah, le soleil. Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Bonjour. Pompe 8, s'il vous plaît. Ok, ça nous fait un casque, une veste de cycliste et aussi un vélo-trek. Waouh, c'est génial!

con un beso. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Il est 7h55 sur Fun Radio. Dans un instant, ce sera le petit déj gratos. On sera du côté de Waterloo ce matin. Puis pour le son dance floor, Rizza arrive sur Fun. Je m'en fous. Il y a quoi là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François pour 40 euros ce matin ? Nous cherchons ce qu'il est le seul à savoir. Hein. Il est le seul à connaître ce qu'il y a dans la boîte. C'est lui qui l'a caché, la boîte de Jean-François, notre journaliste à l'info, la météo, l'infotrafic. Rappelle des indices, Justine. Alors, on sait que ça a à voir avec le sport en général, que ce n'est pas en rapport avec un équipement, que ce n'est pas grand et que parfois il y a de la terre dessus. Et alors, concernant les indices que Jean-François nous a déjà donnés, il y a l'indice plage, air et jeu. Et je crois qu'on nous avait donné le mot ballon, hein, c'était Éléonore, 9 ans, vendredi, et on avait dit que ce n'était pas ça. Catherine, elle a 43 ans, elle est de Flémal avec sa fille en voiture pour le boulot. Bonjour Catherine. Bonjour Evan, bonjour la tribu. La tribu va te dire bonjour, allez-y. Bonjour. Oh, c'est mignon tout plein. Catherine, ça va ce matin? Oui, super, en forme. Heureuse évidemment que les Diables aient gagné ce week-end, ça nous a tous rendus de bonne humeur. Alors pour 40 euros ce matin, quelle est ta proposition de réponse de ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François ? Alors c'est ma fille qui va répondre à ma place, vas-y. Une raquette de Alors football. Vas-y. Comment elle se prénomme ta fille ? C'est Laura. Laura, donc Laura, qu'est-ce que tu proposes ma doudou ? Une raquette, c'est ça ? Des raquettes de ping-pong. Ah. Des raquettes de ping-pong, effectivement, pour l'été, la plage pourrait correspondre. Jean-François, pour 40 euros ce matin, et la proposition de Laura et de sa maman Catherine, est-ce que ce sont ou pas des raquettes de ping-pong ? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ah. Aïe, aïe, aïe, aïe. Non. Alors, qu'est-ce qui vous avait fait penser à ça, les doudous, les raquettes de ping-pong ? Quand on se retrouve sur la plage avec des raquettes, bah, je sais même pas si ça s'appelle des raquettes de ping-pong ou si on se plage avec, mais... Du beach ball. Voilà. C'est ça, c'est la raquette de plage. Hein. Voilà. Bon, voilà. Alors, on va essayer de faire avancer un petit peu. D'abord, je vous fais des gros bisous, Catherine et Laura, des gros bisous à vous. Et écoutez bien, parce qu'on va donner un nouvel indice. Évidemment, comme vous n'avez pas gagné, vous pouvez rejouer à tout moment en envoyant Evan, E-V-A-N, suivi de votre proposition de réponse au 63-22. Alors, Jean-François... Un nouvel indice pour essayer de faire avancer tout ça. Pour 50 euros maintenant, je rajoute 10 euros dans la cagnotte. C'est un objet qui est rond. Ah. Un objet qui est rond, il m'énerve. Est-ce que c'est un objet qui roule ? Ouais. Oui. Mais bientôt, c'est quoi ces indices ? Bientôt, ton indice c'est un objet. Non mais je pensais qu'il allait vraiment nous faire avancer parce qu'il nous a dit en antenne ouais vous allez trouver super rapidement mais pas du tout en fait t'es qu'un mytho c'est tout. Non ça n'a rien à voir. Donc rond c'est le nouvel indice que vous donne Jean-François ce matin. Ah Justine t'as trouvé. Ah j'ai peut-être une idée mais je vais pas le dire. Alors pose une question. Est-ce que ça se joue? Oui parce que j'ai donné l'indice ce jeu alors, vendredi. Alors attends, est-ce que ça se joue avec plusieurs boules? Non, je ne me permettrai pas ce que c'est dis. Ce que tu dis. C'est ça, alors. Bon, donc c'est rond. On ne joue pas avec plusieurs boules. Avec qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François? Si vous pensez avoir trouvé, écoutez comment jouer. Vous envoyez le code EVAN suivi de votre proposition et vous envoyez ça au 6322. Bonne chance à vous, 50 euros dans la cagnotte du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il est 8h sur Fun Radio. Et dans un instant, Rizza pour le son dance floor juste après les infos. Fun Radio. Restez bien là, dans moins de 10 minutes, on vous donnera l'adresse du petit déj gratos. On est du côté de Waterloo ce matin, mais d'abord 8h pile, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Un adolescent de 17 ans a été poignardé dans le quartier du Bronx à New York car il n'a pas voulu donner 2 dollars à un mendiant. Le jeune homme se trouve avec un ami et voulait acheter un milkshake lorsqu'il a été abordé par deux mendiants. Ces derniers lui ont réclamé 2 dollars, mais le jeune homme a indiqué qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Un des deux mendiants l'a alors poignardé à la poitrine et il est décédé des suites de ses blessures. Les deux hommes ont pris la fuite et n'ont toujours pas été retrouvés. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies hier à Orlando pour une veillée aux chandelles en hommage aux victimes de la tuerie commise il y a une semaine dans une boîte de nuit gay du centre de la ville du sud-est des États-Unis. Le maire d'Orlando a tenu à remercier les secours et a promis aux survivants et aux familles des victimes que la communauté locale les soutiendrait. Selon l'agence du tourisme d'Orlando, 50 000 personnes ont assisté à la veillée pour rendre hommage aux victimes de l'attaque du Pulse, la boîte de nuit gay, où a eu lieu le 12 juin la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. La foule a observé une minute de silence après la lecture des noms des 40

sommes lundi, bon début de semaine. Des semaines qui redémarrent avec Fun Radio. Cette semaine qui redémarre avec Fun, 8h06. Du son dance floor de la déconne. Allez, on chante, c'est parti. Fun et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h, une bande de déconneurs. Fun et la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien. Avant le boulot. Toute la tribu est autour de moi pour vous réveiller, vous sortir du lit. Ce matin, il y a Justine, Yolande, Sœur Khalid du Jambon, Jean-François et Sandro à l'arrière. Et tout le monde vous dit bonjour. Bonjour. Bonjour les doudous, on est heureux ce matin, c'est parce que on est champions, on est champions, on est champions. Et 1, et 2, et 3, 0, 1, et 2, et 3, 0, la la la la la. C'est bon. Ah, c'est bon. Continue. J'espère que les Belges vont mieux jouer mercredi, hein. Que tu ne chantes, Evan. J'en ai rien à faire, mais laisse-moi seul. Moi, je savoure la victoire. Je savoure l'amour. Je savoure Lukaku, Axel Witsel. Je savoure Mark Wilmots, à qui je ferai bien des câlins. Je savoure la victoire. Et 1, et 2, et 3, 0. Mais est-ce que ce sera aussi bien mercredi? Le suspense reste entier. Bah, je sais que vous êtes heureux ce matin. Oui, vous êtes heureux car la Belgique a enfin gagné ce deuxième match de l'Euro. Tout comme Justine qui a savouré ça en faisant la danse du ventre, n'est-ce pas, Justine? C'est ça. J'aime quand elle confirme. Nous fêtons qui aujourd'hui comme prénom, ma doudou? On fête les Gobins et les Balthazar. Bonne fête aux Gobins avec des vannes ce matin. Il y a Pat, par exemple, qui nous dit « Si tu as faim, tu peux prendre un œuf ou bien tu peux... » Oh bah merde, je l'ai foiré la vanne. Une deuxième. Putain, je l'ai foiré complètement. Non, ça vaut plus le coup que je la fasse maintenant. Je vais la refaire tout à l'heure, mais plus tard. Comme ça, vous avez vous-même imaginé celle que m'avait écrite Pat par SMS au 3044 avec Gobin. Oh, c'est triste. Alex Germis va arriver dans un instant sur Fun Radio. Il y aura Ellie Goulding aussi. Justine, rappelle-nous ce qu'il y a gagné toute cette semaine entre 6h et 9h. Et dans 3 minutes, je vais faire sonner chez l'un ou l'une d'entre vous qui est en train de nous écouter en ce moment. On vous offre le tout dernier smartphone de chez Alcatel. Il s'agit du Pop 4 qui vaut 130€. Alors pour jouer avec nous, c'est un simple SMS. Vous êtes tiré au sort et vous décrochez, c'est gagné. Vous envoyez le code POP, donc P-O-P, pour commencer votre message, suivi de vos coordonnées, pardon, et vous envoyez ça au 6322. Bonne chance à vous les amours, c'est lundi, il est l'heure de manger, j'ai faim, la dalle grave. Petit-déj gratos sur Fun Radio. On est où pour le petit-déj? On est à Waterloo, vous allez chausser de Bruxelles au numéro 720B. C'est la pâtisserie Wooly et c'est Marcelo qui vous attend pour vous offrir un expresso et une pastille des nata. Voilà. Une pastille des nata, c'est une spécialité, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu prends de la pâte fouillée, ensuite tu prends de la crème pâtissière, mais qui est beaucoup plus bonne que celle qu'on fait en Belgique. C'est une spécialité quoi? Portugaise, c'est ça? Portugaise, ouais. Ah, à propos de portugais, on va parler de Cristiano Ronaldo tout à l'heure. Cristiano Ronaldo qui rate un penalty ce week-end. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est déchu? Ouais. Est-ce que ça ne sera plus une star? Oui. Mais c'est vrai, je voyais les gens autour de moi, ils étaient super sévères. Ils disaient, tu vas voir, il va le louper. Il l'a loupé. Est-ce que du coup, pour lui, c'est comme un arrêt de carrière? Hein? C'est la question que je vous pose. Dites-le-moi, SMS 3044, dès maintenant, on en parlera avant 9h, autour de la table. Voici le son d'Alex Germis sur Fun Radio. Cristiano Ronaldo qui s'illustre par le fait qu'il loupe des penalties, mais aussi par le fait que lors d'un match, il a craqué sur quelque chose. Sur quoi? Ah oui. Nous en parlerons également d'ici 9h. J'ai été voir les photos. Allez, dans un instant, j'offre l'un ou l'une d'entre vous le Pop 4 de chez Alcatel. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous envoyez Pop par SMS maintenant au 6322. Il est 8h11. To get up on myself, I can find a way. so far. Il est 8h14 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous ai calé le son de Ellie Goulding. Et juste avant de vous offrir votre popcat de chez Alcatel, on revient donc sur le penalty de Ronaldo qu'il a loupé ce week-end. Est-ce qu'on peut rappeler, sur Khalid du Jambon, toi qui es un peu notre chroniqueur football, dans quelles circonstances finalement ce penalty a été loupé ce week-end? Ben, c'est 0-0 et Cristiano Ronaldo a l'occasion de prendre l'avance pour son pays et de marquer son penalty. Parce que généralement, en penalty, il y a de grandes chances que tu marques, hein. Sauf que là, il a mis sur la transversale. Et ça, évidemment, non. Tout le monde s'est moqué de lui parce que, bon, comme c'est le meilleur, CR7, c'est le numéro 1. Quand il fait des trucs tellement incroyables que dès que le moindre truc qui foire, ça y est, ça fait les unes des journaux. Donc voilà, et donc, ce qui fait que ce match-là s'est soldé par un 0-0 alors qu'ils auraient pu avoir les 3 points et se qualifier déjà pour les 8e. Mais là, ils sont en position délicate avec l'équipe du Portugal et ça, c'est compliqué. Merci Pierre Ménès. Alors la question que je pose autour de la table, elle est vraiment très sincère, je répondrai après. Est-ce que vous pensez que ce pénalty va entacher définitivement la carrière ou pour longtemps? Surtout si par exemple le Portugal ne va pas loin. Donc non pour Khalid du Jambon. Non. Yolande. Ça dépendra des saisons qu'il va faire après, mais ça reste une tâche, mais ça va pas détruire sa carrière quoi. Non, vous pensez que... Parce que moi, autour de moi, les gens disaient « Ouais, ça y est, c'est fini, son statut de star va changer à partir du moment où il a loupé ce pénalty. » Justine, ton avis par rapport à ça? Non, je pense pas que ça va entacher sa carrière, mais ça calme un peu tous les pro-CR7 comme Khalid qui font toujours les malins. c'est le meilleur, je soutiens ça même ça les dans... calme un peu, voilà. Pas du tout. Donc, tiens, on me dit c'est un poteau qu'il a pris, c'est pas une transversale. C'était le poteau, effectivement, désolé. Le but. Jean-François, ton sentiment par rapport à ça? Moi, je suis du même avis que les autres. C'est, voilà, ce serait peut-être, on le retiendrait plus s'il ratait ça dans une finale ou là, mais là, on est au premier tour, tout, puis encore rien de mal fait. Évidemment, il s'en voudra parce qu'il va peut-être se dire à la fin, ils sont peut-être pas qualifiés à cause de ça, mais ouais. Non, ça arrive aux plus grands joueurs du monde, la preuve. Khalid, pour clôturer, on a résumé très court par contre. Mais est-ce que tu as vu justement l'autre info concernant ce match? À la fin du match, il y avait un gars qui a traversé les maillons de sécurité pour faire un selfie avec Cristiano. Ah oui, alors ça, j'ai vu l'image. J'ai trouvé que j'ai vu l'image. Les gardiens de sécurité étaient un peu, comment dire, un peu nerveux. Vénère, avec le fan de Ronaldo. Et finalement, Ronaldo est intervenu pour dire laissez-le, foutez-lui la paix. En gros, laissez-lui prendre sa photo. Et j'ai trouvé ça très classe. Oui, alors qu'il était déçu, il était en colère contre lui-même. Et malgré ça, il autorise à faire un selfie. Ouais. Moi, je trouve la grande classe, Ronaldo. J'ai vraiment trouvé que c'était vachement bien pour un joueur de son statut. Donc bravo à Ronaldo. À suivre donc dans cet Euroconfoot. On est tous derrière les Diables évidemment. Après le 3-0, on rejoue mercredi. On va envoyer le son de Ellie Goulding. Et puis juste derrière, allez, je vous laisse 3 minutes de plus pour vous inscrire, pour essayer de remporter votre Pop 4 de chez Alcatel, mise en jeu ce matin. Rappelle-nous comment jouer, Justine, par SMS. Vous envoyez le code POP, P-O-P, suivi de toutes vos coordonnées au 6322. Voilà, vous pouvez même envoyer un petit mot, une blague, un truc, une blague de Toto, hein, si vous voulez, par SMS. On sélectionnera l'un ou l'une d'entre vous dans un instant. J'appelle chez vous. J'ai un bruit bizarre qui est sorti de ma bouche. Oh là là là là. Nous sommes lundi aujourd'hui, le 20 juin, demain c'est l'été et vous réveillez avec nous, c'est Evan, c'est la tribu que vous soyez. Merci d'être là à Mons, à Tournai, du côté de la Louvière, à Liège ou encore à Arlon, notre fréquence la plus lointaine. On salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent du côté du Grand Luxembourg. On va écouter le son de Major Lazer, ce sera juste avant 8h30. Il est l'heure de vous offrir le cadeau de la semaine entre 6h et 9h, ce sera comme ça tous les jours. Vous en aurez plein à gagner, des Pop 4 de chez Alcatel. Vous êtes inscrit en envoyant Pop, P-O-P par SMS au 6322. On va faire sonner immédiatement chez vous. Et si vous décrochez, c'est gagné. Et puis avant 9h, vous allez jouer sur Facebook. Ce sera la grande finale Bellambra pour essayer de repartir avec votre séjour avec nous et l'équipe de l'Happy Hour. Nous partirons du côté de Seignos toute la semaine prochaine pour la dernière semaine d'émission avant les vacances d'été. Ce sera tout à l'heure avant 9h. Donc si vous êtes inscrit sur Facebook, restez bien dans le coin. Surtout, c'est important. Ça sonne. Allô, si ça décroche, c'est gagné. Ah, bonne nouvelle. Bonjour. T'es en train de faire cuire des œufs ou quoi? Mais c'est incroyable. Les kits main libre sont aujourd'hui de moins en moins performants. Hein. Bonjour, quel est ton prénom? Aline. Marine? Aline. Non, Aline. Non, Aline. Aline. Ah oui, comme mon ancienne co-animatrice. Aline, t'as décroché? Et tu viens de raccrocher. Le coup de fil le plus pourri de la Terre. Ah putain, et on va changer de principe de jeu. On appellera les gens en antenne, on leur parlera plus, et puis ce sera tout, et puis comme ça on sera plus rapide. Bon, ce qu'on va faire, écoute, Yolande, pour Aline c'est gagné, elle a dû avoir un problème de réseau. Donc tu la rappelles, tu lui dis que c'est okay. Gagné, c'est tout bon. Elle a donc remporté le Pop 4 de chez Alcatel. Ouais. On en remet un en jeu ou pas, Justine, du coup? Ouais, on en remet un, allez, c'est parti. Allez, vous avez moins d'une heure pour vous inscrire et que je retrouve ma voix. Allô? Bonjour, c'est la perforasse. Oh mon dieu, Eddie Mitchell, le mec. T'as, tu sens la voix qui fatigue en fin de saison. Hein. Donc on remet un Pop 4 téléphone de chez Alcatel en jeu d'ici la fin de l'émission. Si vous n'êtes pas encore inscrit, écoutez comment faire. Vous envoyez le code POP, P-O-P en début de message, suivi de vos coordonnées. Vous envoyez le tout au 6322. Bonne chance à vous, 8h23. Voici Major Lazer, juste derrière les infos, la météo avec Jean-François. Bonne matinée tout le monde. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour. Une demoiselle. Je m'appelle Mégane. Mégane. Tu as quel âge, Mégane? Comme la voiture, 5 ans, 2000 km. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Il fête son anniversaire dans un karaoké. Ouais, je te préviens, moi je chante pas. Hein. Ah bah moi non plus. Abuse parfois un peu. Si on pouvait s'aimer pour toujours. Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Fun Radio présente la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatte. Deux jours de fiesta et de son dance floor avec en live Willy William. James Dino, Dédiqué et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatte. Infos et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Le son dance floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. You feel us, another star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see us alive. Where are you now? 90% des oiseaux sont monogames. C'est vrai, hein? J'ai vécu 5 ans avec un canard. Très très jolie petite fesse. Evan et la tribu sur Fun Radio. Les vraies infos sont dans les jingles. Le reste, c'est de la déconne. Dans 15 minutes, on fera le jeu de l'actu ensemble. Je vous donnerai des débuts d'actu. Il faudra trouver la suite. Toute l'équipe va jouer, vous également. Et puis, nous aurons la grande finale Bellambra. Ce sera juste avant 9h. Il y a eu un concours Facebook qui a été organisé pour que l'un ou l'une d'entre vous puisse accompagner toute l'équipe du morning. Donc, nous plus l'équipe de l'Happy Hour, Audrey, entre 17h et 20h. Si vous avez participé à ce grand concours Facebook, eh bien, ce sera peut-être sur vous que ça va tomber. Vous partirez avec nous toute la semaine prochaine du côté de Seignos. C'est dans le sud-ouest de la France. On sera près de l'Atlantique. Alors, la bonne nouvelle. Vraiment, je l'ai partagé avec Justine, c'est que l'été s'installe à partir de la fin de la semaine et que du moins dans le sud-ouest de la France, l'été devrait déjà durer toute la semaine prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous et pour les auditeurs. Oui, on va pouvoir faire du surf, on va pouvoir faire plein de sports. Il y a un truc que j'ai vu là-bas qui s'appelle Adrenaline Park. C'est ça, ouais. À mon avis, c'est un truc où on a bien flippé notre mère. Et là, je t'ai inscrit d'office, Justine, sur ce parc-là. Comme ça, oui, je me dis que pour la dernière semaine, il va falloir qu'on envoie quand même du lourd. Hein. 8h31 sur Fun Radio. Il y a quelqu'un qui veut se souhaiter un bon anniversaire. Eh bien, je lis. Je voulais me souhaiter un joyeux anniversaire pour mes 32 ans. Bisous à vous, c'est Priscilla de Binche. Je te fais un gros bisou. Derrière moi, l'hymne de l'Euro. David Guetta, ça arrive tout de suite avec Zara Larsson sur Fun Radio. Bienvenue à tous et bon lundi sur Fun Radio. Il est 8h30, l'actualité de ce lundi justement, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Deux des trois hommes placés sous mandat d'arrêt samedi, suspectés de planifier une attaque terroriste, font partie de la famille des frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui, auteurs des attentats du 22 mars. L'un des deux est un cousin des frères et a déjà été condamné avec Ibrahim El-Bakraoui pour vol avec violence. Les trois hommes ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont perquisitionné pas moins de 40 adresses à Bruxelles et dans

Vous écoutez Fun Radio, je m'appelle Evan et tous les matins je suis là avec toute la tribu entre 6h et un peu plus de 9h à propos de David Guetta. Justine, toi tu dis que vraiment, plus tu écoutes ce morceau, plus tu dis que ça correspond vraiment à l'ambiance de l'Euro 2016. Hein. À fond, au fur et à mesure des matchs qui avancent, je me dis putain, mais en fait ça colle vraiment bien à l'Euro, c'est vraiment fait pour. Mais c'est pas le fait qu'on l'écoute de plus en plus de fois, qu'on l'écoute chez nous, qu'on l'écoute aussi à la télé, qu'on l'écoute pendant les pauses, qu'on l'écoute pendant voilà, à l'ouverture du stade, etc. Le fait qu'on dit souvent plus on réécoute quelque chose, plus on l'aime. Non, c'est pour toi, c'est vraiment une belle production. Ouais, moi je trouve que ça colle parfaitement au thème et que c'est bien fait. Même pour les jingles, pour les mags avant et après les matchs, je trouve que ça colle bien. Moi j'aime bien aussi le générique de l'Euro 2016, générique qu'ils utilisent assez régulièrement, mais qui est un autre morceau que celui de David Guetta. Je sais pas si on est dans la machine, Sandro, mais il faudra y penser peut-être avant la fin de la semaine, ça serait pas mal. C'est lequel? Je suis pas capable de le chanter parce que je suis vraiment une bille quand je dois essayer de reproduire un morceau quand je le chante. Voilà, c'est le deuxième hymne de l'Euro. Et moi je le kiffe aussi, ça serait bien qu'on le réécoute. Non, c'est pas Maître Gims, ça commence par un M, c'est Mathieu. Mathieu Canabi va arriver dans un instant sur Fun Radio. Juste après, on fera un jeu de l'actu. D'abord, rappelons à quel endroit on se fait payer le petit-déj gratos aujourd'hui. On est du côté de Waterloo, vous allez chausser de Bruxelles au numéro 720B. C'est la pâtisserie Wooly. Et c'est Marcelo qui vous offre un expresso et un pastel des nata. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, vous allez directement sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Puis il y a toujours ce gros cadeau, il y a déjà un téléphone qui est parti ce matin, j'en mets un deuxième en jeu d'ici la fin de l'émission. Un téléphone qui est le Pop 4 de chez Alcatel tout simplement, pour le rafler, c'est hyper simple, on a décidé de terminer la saison en faisant des choses pas trop compliquées, il suffit de vous inscrire par SMS. Si vous êtes rappelé et que vous décrochez, c'est gagné, Juju. Vous envoyez le code POP, POP, pardon, suivi de vos coordonnées, et vous envoyez le tout au 6322. Bonne chance à vous, 8h40 sur Fun Radio, voici le son de Mathieu Canabi. Et juste derrière, deux événements avant 9h. Le premier, c'est qu'il y aura la grande finale de chez Bellambra. La semaine prochaine, nous serons en direct d'un club Bellambra à Seignos, c'est près de la côte atlantique. Et vous avez participé, vous toutes, vous tous, à un concours sur Facebook. Ben, je vais appeler chez l'un ou l'une d'entre vous, ça sera tout à l'heure aux alentours de 8h55. Comme ça, vous nous accompagnerez toute la semaine prochaine, déjà en mode vacances, avec toute l'équipe du Morning notamment. Voici le son de Mathieu Canabi, et juste derrière, on se fait le jeu de l'actu sur Fun Radio. Favorite scene, loves to be so- Il est 8h43 sur Fun Radio, la grande finale Bellambra aura lieu juste avant 9h. Vous avez peut-être participé à un concours Facebook. Et alors, si vous avez fait ce petit concours, hein, vous envoyez avec nous pour faire vos vacances. Une semaine de vacances déjà au club Bellambra de Seignos, c'est près de la côte atlantique. Et on va appeler chez l'un ou l'une d'entre vous juste avant 9h. Si vous êtes inscrit et que vous décrochez, ça sera gagné. On est en train de faire toutes les présélections. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un beau cadeau pour mes 26 ans dimanche. C'est signé Marie, voilà des personnes qui ont participé au concours Facebook, ce sera dans quelques instants. Allez, encore un petit peu de patience, il vous reste 10 minutes. La suite du son, ce sera Calvin Harris et Rihanna. Et on va jouer maintenant au jeu de l'actu. Le jeu de l'actu. Le jeu de l'actu sur Fun Radio. Vont jouer autour de la table Yolande, Justine et tiens, non Khalid, non, je vais prendre Jean-François. Khalid va rester puni. Vous allez devoir deviner des actus. Je vous donne le début, il faut trouver la fin. Vous avez 20 secondes à chaque fois. Est-ce que vous êtes prêts les doudous? C'est parti. Top, on commence avec l'actu qui fait vraiment le tour du monde en ce moment, c'est l'Euro 2016. Et qu'est-ce qui a fait que Cristiano Ronaldo, lors d'un match, a été perturbé par quelque chose et s'est passé quasi inaperçu? Top, c'est parti. Justine, un insecte? Oui. Non, ce n'est pas un insecte. Jean-François, une jolie fille? Exactement, bonne réponse de Jean-François. Et c'est un point. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors? Mais j'ai vu un truc, je me demande s'il n'y a pas à voir avec une des hôtesses ou un truc comme ça. Alors oui, t'es pas loin. Alors que les deux équipes pénétraient sur la pelouse de Geoffroy Guichard, c'était mardi dernier, eh bien le capitaine portugais s'est soudainement retourné pour poser son regard sur une jeune femme présente sur le bord de la pelouse. Et sourire charmeur. La scène n'a duré que quelques instants. Elle n'est pas passée inaperçue. On voit d'ailleurs la vidéo un petit peu partout sur internet. Eh bien, elle s'appelle Céline. C'est une Française qui a 24 ans, qui est mannequin et qui a dit voilà, waouh, ça fait bizarre quand il s'est retourné. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose ou plus? On ne sait pas, mais il a visiblement craqué pour cette jeune Française. Un point pour Jean-François. Voici la deuxième actu. Ça se passe maintenant en Angleterre. Et en Angleterre, il y a une jeune femme qui s'appelle Zara Holland, qui a la particularité d'avoir gagné le concours de Miss Grande-Bretagne. Et pourtant, les organisateurs ont décidé de déchoir son titre de Miss Grande-Bretagne. Pourquoi? Top, c'est parti, 20 secondes. Justine, parce qu'elle s'appelle Hollande. Non, pas du tout. C'est pour se foutre de la figure du président français, c'est ça? Non, ouais. Pas du tout. Jean-François, Yolanda. Parce que... Ah, pardon. Vas-y. Parce qu'elle n'a pas la nationalité britannique. Non, Jean-François, vas-y. Mais moi, je disais que c'est parce que c'est peut-être pas réellement un homme. Non, vous êtes très loin tous pour l'instant. Je vais vous donner un indice, télé-réalité. Justine, elle a déjà posé nue. Non. Il y a des vidéos mais... d'elle. Ah bon, t'es pas très loin. Est-ce que le gong, oui voilà, il arrive, les 20 secondes sont passées. Alors je vous explique, c'est le scandale médiatique qui a secoué la Grande-Bretagne ce week-end. Les organisateurs du concours de Miss Grande-Bretagne ont donc décidé de déchoir de son titre Zara Holland. Et dans le communiqué, le comité organisateur explique que ses membres ont pris la décision à grand regret, parce que en fait elle a fait une télé-réalité. Et elle a eu un moment d'intimité avec un garçon. Et ils ont conclu que c'était pas bien et que du coup c'était pas une bonne ambassadrice de Miss Grande-Bretagne et qu'elle était déchue de son titre. Moi perso j'ai trouvé que ça un petit peu sévère. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? J'ai pas d'avis là-dessus. Bon après c'est les Britanniques, hein, on sait leur côté assez sectaire comme ça, donc c'est pas étonnant. Moi je trouve que c'est un peu abusé. Elle participe à une émission de télé-réalité, elle a pas fait un porno non plus, ils ont juste fait un câlin ensemble et visiblement c'était pas bien. Allez, dernière info maintenant, toujours un point pour Jean-François. Ça se passe au Canada. Il y a une jeune femme qui s'appelle Joanne Barnaby qui était en train de cueillir des champignons dans une forêt. Elle était avec une copine et puis d'un seul coup, elle était séparée et s'est retrouvée seule avec son chien en forêt. Que s'est-il passé d'incroyable? Un truc dont elle se souviendra toute sa vie. Top, c'est parti, 20 secondes. Yolande. Sa copine s'est fait embarquer par un ours. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Non, mais il y a des ours au Canada, c'est courant dans la forêt. Ce n'est pas la bonne réponse, mais l'ours fait partie de l'actualité. Donc tu as donné un vrai indice, ça c'est bien. À mon avis, il ne reste que 10 secondes maintenant. Moi, je sais pas. Yolande, sa copine a piqué, ça a tracé quoi, quand elle a vu un ours. Eh bien non, ce n'est pas la bonne réponse et c'est une victoire de Jean-François, mesdames, messieurs. Je vais que l'applaudir bien fort. Yeah. Désolé si vous m'entendez déglutir régulièrement ce matin, ouais, mais j'ai hyper mal à la gorge. Bah, j'ai très mal à la gorge, donc c'est très difficile pour moi de parler parce que la douleur est très présente. Donc à chaque fois, j'ai très mal, je prends un tout petit peu d'eau pour soulager la douleur. Je vous donne la bonne réponse. En fait, Joanne Barnaby, elle a été traquée pendant 12 heures par un loup sauvage alors qu'elle était avec son chien qui s'était perdu, séparée de son ami. Et à un moment, elle était totalement épuisée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a entendu un gros bruit. Elle a vu un ours brun et en fait, elle s'est précipitée vers l'ours brun. L'ours qui a vu le loup juste derrière, en fait, a trouvé qu'il y avait un danger, pas pour l'humaine, mais simplement pour lui. Du coup, il s'est précipité sur le loup et les deux se sont battus. Pendant ce temps-là, elle en a profité pour se tirer et se barrer ailleurs. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit surtout, j'ai réalisé que c'était ma chance, ne reproduisez pas ce que j'ai fait, ne partez pas en forêt sans arme à feu, il peut s'y passer n'importe quoi. Mais grâce à cet ours, en tout cas, elle a été sauvée de l'attaque de ce loup sauvage hein, qui la traquait hein, pendant des heures. Voilà ce qui s'est passé au Canada. Belle victoire de Jean-François. Et merci à vous toutes vous tous pour le jeu de l'actu. Dans un instant sur Fun Radio pour la suite du son Dance Floor. On va se faire kiffer grave avec le son de Calvin Harris et Rihanna et on fera la grande finale Bellambra qui va partir avec nous au soleil la semaine prochaine du côté du sud-ouest de la France. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Au 3044, quelqu'un me demande c'est quoi des films de boules, Vince? Alors, des films de boules. C'est le tirage du loto, mais en 3D. Voilà, c'est le championnat du monde de pétanque. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est un ou film. De curling. Oui, c'est. Ouais, enfin, c'est une boule un peu plate, hein, quand même. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Couleur café, il y en a qui aiment et d'autres qui adorent. Oh, c'est tellement plus qu'un festival. C'est un festival qui me va trop bien. C'est tellement fort. Et puis le soleil, les gens, tout ça. Non, c'est cette pudeur dans l'art. J'adore l'humanitaire en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle que soit la raison qui vous amène à Couleur café, l'ASTIB vous ramène gratuitement. Bruxelles, c'est nous tous, l'ASTIB. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un contrat à durée déterminée en tant que ouvrier de production dans la région de Liège. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Bertrand, ah, ça c'est un vrai globe-trotteur. Entre deux grands voyages, il n'hésite pas à travailler pour pouvoir financer ses prochains projets. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. See them at first light after a long night and see the sky take shape. But I wanna see the stars burn after I had my turn. And ooh, you're working so hard. You played your card, so what's the payoff? Deeper than deep to get me up. ce matin, vous ne retrouvez plus vos clés de bagnole, vos papiers de bagnole, ni même où elle est garée, pas de panique. C'est juste que vous n'avez jamais eu de bagnole. 6h, 9h, Evan et la tribu sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Fun Radio, avant d'écouter dans un instant le son de Martin Solveig, nous allons vous faire gagner ce séjour extraordinaire à Seignos avec nous à Bellambra. Entre autres, vous allez partir avec toute l'équipe du matin et toute l'équipe de l'Happy Hour entre 17h et 20h. Combien de personnes partent avec nous, Justine, en tout ? Deux personnes. Je croyais que c'était 60, 70. Non, on reste, sur deux alors. Ok. Vous êtes inscrit en participant à un grand concours Facebook et on va maintenant faire sonner chez l'un ou l'une d'entre vous. Si vous décrochez, ce sera gagné. La présélection a été effectuée il y a quelques instants. Alors attention, Justine, moi j'ai rien à voir dans cette histoire. Hein, j'ai rien à voir. On a laissé les filles présélectionner les gagnants, les gagnantes de cette semaine. Bellambra, passer du côté de Seignos au club Bellambra de Seignos. On offre tout en plus aux gagnants, on va voir dans un instant. Ah bah oui. Faites sonner, s'il vous plaît, au standard. Top, c'est parti. Je vous annonce qu'après les infos de 9h, visiblement Justine a une info exclusive people sur Justin Bieber. Tu confirmes ? Exclusive people, oui. Exclusive Bieber people. Tu confirmes ? Yes. Tu confirmes ? Oui, allô ? J'attends. Oui, bonjour, quel est ton prénom ? Nathalie. Nathalie, bonjour, oui. T'es en direct bonjour sur Fun Radio, Evan. Je m'appelle Evan. Mm-hmm. Oui. Bon, on commence à faire connaissance, c'est bien, c'est un bon début. Mais je Nathalie. Vous écoute tous les matins. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Peut-être rien. Eh ben je vais te dire un truc, tu pars avec nous du côté du club Bellambra de Seignesse. Ouais. Nathalie, la semaine prochaine, en plus c'est confirmé, j'ai regardé la météo, il fera un vrai temps d'été, tu seras sur la côte atlantique, on te paye le transport. Oh elle pleure, c'est bon ça. On te paye le transport, mais c'est peut-être toi qui devras conduire. On te paye la bouffe, mais c'est peut-être toi qui devras cuisiner. On te paye l'hébergement, mais il faudra peut-être que tu fasses ton lit. Bref, ça sera la totale pour toi. Ça va aller Nathalie? Magnifique, merci beaucoup. Ah bah, en tout cas, ça fait plaisir de faire plaisir. Tu vas venir avec qui? Avec mon chéri. Avec ton chéri? Ah bah tu viens plus du oui. coup. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, toi et ton chéri? Ça fait 14 ans. Wow. Oh putain. Et t'as quel âge? Oui. J'ai 29 ans. Oh, ah bon Dieu. Oh, ils sont bien ados, c'est un rêve ça. Voilà. Hey. J'ai l'impression que aller au club Bellambra de Seignos après 14 ans, quand t'as 29 ans, c'est comme si t'allais sur l'île de la Tentation. Hein, je te préviens, j'espère qu'il est au courant, ton mec. Hein. Bon, en tout cas, est-ce que vous êtes des fêtards tous les deux? Nous sommes des fêtards, oui. Bon, et ben alors bienvenue, parce que là, c'est vrai qu'on se prépare une bonne petite semaine. Ce sera la dernière semaine avant les vacances. Bon, tu trembles encore, ma doudou. Hein. Oui, oui, je tremble encore. Là, heureusement, je suis sortie du boulot. Bon, Nathalie, tu seras avec nous. Ne raccroche pas, je te repasse Yolande en antenne et Justine qui vont tout expliquer. La semaine prochaine, tu seras avec nous en vacances à Bellambra. Je te fais bisous. Magnifique, Nathalie. Merci, des gros bisous. Bon. Bisous, bisous. On se voit ce week-end là-bas sur place. Dans un instant, sur Fun Radio, la suite du son Dance Floor. Ce sera avec Martin Solveig. On aura une info exclusive. C'est Justine qui l'a découverte concernant Justin Bieber. On vous donne l'actu dans moins de 3 minutes. Il est 9h sur Fun. Fun. Bienvenue à tous sur Fun Radio et bon lundi, il est 9h, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. La grève tournante dans les services publics touche le Hainaut ce lundi. Pas de blocage dans les administrations, mais les sittings devant les sièges des partis politiques. Les militants de la FGTB Centre et de toutes les centrales qui la composent mènent une action de blocage de l'économie régionale depuis 6h ce matin. Le dépôt de carburant de Feluy, le plan incliné de Ronquière et l'écluse d'Avray sont à l'arrêt. Le syndicat socialiste CGSP promet qu'il n'y aura pas de blocage dans les administrations, mais une mobilisation des militants devant les sièges des partis politiques à Bruxelles et également à Charleroi. Le ministre de l'économie Chris Peeters a tranché sur les concours de beauté d'enfants en Belgique. Ils sont illégaux. Pour l'inspection contrôle du travail des lois sociales, le concept d'un concours de beauté présente des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants. Pour Chris Peeters, de tels concours sont inappropriés. Une participation à une élection de minimis ou de minimister relève de la législation relative au travail des enfants. C'est ce qui signifie que c'est interdit, ajoute le ministre. Le premier concours de beauté pour enfants devait avoir lieu le 21 juillet prochain à La Panne. Deux des trois hommes placés sous mandat d'arrêt samedi et suspectés de planifier une attaque terroriste font partie de la famille des frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui, auteurs des attentats du 22 mars. L'un des deux est un cousin des frères et a déjà été condamné avec Ibrahim El-Bakraoui pour vol avec violence. Les trois hommes ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi lors de perquisitions. La police a ordonné à la STIB de limiter les accès à plusieurs stations de métro bruxelloises suite à la menace terroriste qui touche la Belgique. L'accès est limité aux stations Botanique, Bourse, De Broucker, Rogier, Isère et Herman de Brou. Le métro continue à rouler normalement et ce dispositif restera en place jusqu'à nouvel ordre. Dans le reste de l'actualité, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies hier pour une veillée aux chandelles en hommage aux victimes de la tuerie d'Orlando aux États-Unis. 50 000 personnes ont assisté à la veillée pour rendre hommage aux victimes de cette attaque de la boîte de nuit gay où a eu lieu le 12 juin la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Solar Impulse a entamé ce matin la traversée de l'Atlantique, 9 jours après son survol de la Statue de la Liberté et de son arrivée à New York. L'avion solaire a décollé à 8 heures en direction de Séville. Après la traversée de l'Atlantique, Solar Impulse devra rejoindre Abu Dhabi pour boucler le tour du monde qu'il a entamé le 9 mars 2015. Fun Radio soutient les Diables. Vainqueur contre l'Irlande et relancé dans cet Euro, les Diables Rouges s'entraîneront encore aujourd'hui au Hayan à Bordeaux avant de rejoindre Nice dans la journée de demain. Ils y affronteront la Suède mercredi à 21h à l'Allianz Arena. Un nul sera suffisant pour terminer deuxième du groupe E et se qualifier à coup sûr pour les huitièmes. Ils auraient alors rendez-vous le 26 juin à Toulouse avec le vainqueur du groupe F, soit la Hongrie, l'Islande ou le Portugal. Ce soir à 21h, la Russie affronte le Pays de Galles et la Slovaquie rencontre l'Angleterre dans un groupe B où tout reste possible. Fun. Fun Radio. faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. La météo pour terminer, Jean-François. Le ciel restera chargé la plupart de la journée avec des pluies régulières. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 18 degrés. Les températures grimperont à partir de demain, mais le risque de pluie va demeurer. Et puis mercredi et jeudi, les périodes ensoleillées seront nombreuses et les températures jusqu'à 25 degrés donneront enfin une impression d'été. C'est Carlo que vous retrouvez à midi pour les prochaines infos. Moi, je vous retrouve demain dès 6h avec grand plaisir. Et tout de suite, c'est le son Dance Floor sur Fun Radio avec Martin Solveig. Fun Radio. Ah, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Pour vous secouer dès le matin. Yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Sur Fun Radio, je vous ai calé pour la suite du son Dance Floor du DJ Snake. Il y aura Erice, Treffy, également Face et Afrojack. Et une info people exclusive va débarquer dans moins d'une minute. Elle concerne Justin Bieber. C'est Justine qui a dégoté cette info. Avant de vous la révéler, de revenir sur le petit déj gratos, nous allons appeler l'un ou l'une d'entre vous qui s'est inscrit ou inscrite en envoyant POP, POP par SMS au 6322 pour remporter ce magnifique POP 4 d'Alcatel, téléphone dernière génération mis en jeu toute cette semaine entre 6h et 9h. On fait sonner chez vous et si vous décrochez, c'est gagné. Au taquet de l'actu dans un instant. Au taquet de l'actu people. Oh, les fins de saison, des fois c'est dur au niveau du cerveau. Allô. Allô, oui. Oui, bonjour, quel est ton prénom? Priscilla. D'abord j'aime beaucoup ton prénom, Priscilla. Tu habites dans quel coin? Oui. Hein, Ougré. Eh bien, Priscilla, tu as décroché et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est gagné! Ouais, et 1, 2, 3, 0 Écoute ce que tu as gagné. Priscilla, tu repars avec ton smartphone de chez Alcatel. Il s'agit du Pop 4 qui vaut 130 euros. Félicitations. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je te fais des bisous, raccroche pas, je t'en passe Yolande en antenne et reste bien avec nous, ma doudou, parce que nous allons parler tout de suite de Justin Bieber. L'info people de la Juju. Alors, Justine, tu m'as dit hors antenne, écoute mon Vanou, parce qu'elle m'appelle comme ça. Écoute mon Vanou. Mon Vanou, j'ai un truc sur Justin Bieber qui va te faire plaisir, qui va faire plaisir aux auditeurs. J'ai une exclue info people ce matin, nous t'écoutons attentivement. Alors il s'agit d'une info donc concernant Justin Bieber qui était en concert au Canada à Saskatoon. Et donc en fait, à un moment donné, il fait un peu le malin, il baisse un peu son pantalon, il essaye un peu de chauffer les meufs, etc. Et puis il leur tourne le dos, il tourne le dos au public pour retourner vers le fond de la scène. Et il oublie qu'il avait ouvert une petite trappe en fait, une trappe sur la scène qui lui permettait d'aller en dessous dans les backstage. Et il marche et il tombe dedans, mais comme une grosse merde. Vraiment, il est tombé dans la trappe. C'est-à-dire qu'on le voit dans la vidéo et à un moment donné, on le voit plus du tout. Et c'est juste trop marrant. Et pour moi, c'est la chute de l'année. Je vous l'ai déjà mis sur le Facebook. Allez la voir, franchement, c'est super drôle. En plus, on l'a filmé sur différents angles, donc vraiment, c'est énorme. Vous allez kiffer la chute de Justin Bieber. Évidemment, on en parle parce que ça se termine bien. Si c'était fait mal, on n'en aurait pas parlé. Oui. Mais la chute en elle-même est juste drôle. Allez découvrir la vidéo sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Merci pour cette exclue people ce matin. Eh bien, écoutez, Justine. Hein, voilà, on va kiffer, ça nous fera notre vidéo. Je sais pas si tu feras autant que la vidéo d'un des entraîneurs de l'Euro 2016 qui a été vue à 150 000 fois, je crois à peu près. Mais allez mater ça. Je voudrais dire bonjour à Lloyd qui est là. Bonjour mon Lloyd. Bonjour Evan. Et 1, et 2, et 3, 0. Et 1, et 2, et 3, 0. Je suis trop content. Ah, t'as kiffé en regardant le match. Hein. Ouais, j'étais un peu stressé la première mi-temps, ils nous ont mis un peu de stress là, on s'est dit non. Non, on va pas remettre ça comme avec l'Italie. Et puis finalement, délivrance en deuxième mi-temps. Mais Marco Wilmots, il était beau. T'entends sa chemise, il était un peu... Il avait une belle volupté. Il était un peu gainé. Belle volupté. Hein, ouais, il était isocèle, j'ai trouvé. Et puis, ça le moulait bien. Il avait le comment ça s'appelle ce qu'il y a en bas du ventre? Le bourrelet moulé. C'était joli. Mais il était j'ai senti un peu stressé quand même. Hein. Il était pas à son aise. Hein. Heureusement qu'ils ont des chewing-gums les entraîneurs quand même. Donc en tout cas, le prochain match c'est mercredi prochain. On espère que ça va continuer comme ça. Je vais partager ça avec vous. Avant de se dire au revoir et de laisser la place à Lloyd qui arrive jusqu'à 13h avec plus de 40 minutes de son dance floor non-stop toutes les heures, le petit déj gratos, c'est à Waterloo que nous sommes ce matin, Justine. On est chaussée de Bruxelles au numéro 720B. Vous allez voir Marcelo qui vous offre un expresso et un pastel de nata. La pâtisserie, c'est la pâtisserie Wooly. Vous la retrouvez, cette adresse, sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. On sera là dès demain à partir de 6h avec toujours vos pop 3 de chez Alcatel à gagner. Passez toutes et tous une belle journée. C'est même profitez le pop 4. Oui, le pop 4, j'ai dit le pop 3, c'est pas bien. Gros bisous Evan, nous on est parti jusqu'à 13h. R.I.S. Treffy dans un instant, de Black Eyed Peas également. Et aussi DJ Snake et Talk maintenant sur Fun. Touch of your skin. Want to lose. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Tonight's gonna be a

Fun Radio. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor.